100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Et c'est parti juste après Difool pour la nocturne 100% rap français. Dans un instant, allez, un peu moins de 10 minutes, il y aura Dawa au mic. Je vais vous le présenter. Il débarque dans un instant du 9-3, du 9-4. Il nous expliquera tout ça dans un instant. Ne loupez pas Dawa au mic dans la nocturne 100% rap français. Mais juste avant, il y a deux grosses nouveautés. Enfin, il y en a même plusieurs aujourd'hui qui sont sorties. Mais il y a eu la semaine des CH, vous le savez, hein, c'est l'album qui fait un véritable carton anarchie. Il y a eu aussi un projet qui a été balancé comme ça de Niro. On passera un extrait pour débuter là dans un instant, mais juste avant, Kenny Arcana qui est de retour. Ça fait bien plaisir, le retour un peu surprise de Kenny Arcana. On va débuter avec un titre. Il y aura aussi d'autres morceaux hein, de Niro, de Kenny Arcana, juste après Dawa au Mag. Je vous le dis, on continuera cette soirée évidemment spéciale 100% rap français dans la nocturne. Il y aura du son de SCH aussi évidemment, ça c'est sûr et c'est clair. Mais là on débute avec Kenny Arcana, l'histoire se répète, juste derrière un son de Niro. Et on retrouve Dawa au Mag juste après. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. On a dit non à la guerre, personne n'écoute, personne n'entend. Avant tout enfant de la terre, les frontières ne sont qu'illusions. Une seule et même planète, une humanité aux mille facettes, une humanité aux mille couleurs, une humanité qui meurt dans sa chair. On a dit non à la guerre, non à la famine, non à la peur de l'autre, non à obéir à la hiérarchie lorsqu'elle prononce des paroles de mort. Du sud au nord, qu'est-ce qu'on honore, quelles sont les valeurs, l'autre est ton miroir, frapper son reflet, c'est se frapper soi-même, il brisait ses plus de 7 ans de malheur. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. On a dit non. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. On a dit non. La guerre, non à la spirale meurtrière. C'est toujours les civils qui payent et toujours les mêmes erreurs qu'hier. Dis-moi qui a son cœur est fidèle et je te dirai qui pense par lui-même à l'ombre d'une querelle millénaire. Il ne tient qu'à nous pour rejoindre la lumière. On a dit non à la mort de l'autre, non à la haine, non au rapport de force, non aux troupes armées d'une vengeance à vivre. Dites et terroristes qui leur vend leur drogue, qui leur vend leurs armes. C'est bien plus rentable tirer des engins que de faire la paix. Trouver des ennemis, l'innocent meurtri, il deviendra demain. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. On a dit non. À la guerre, à la guerre, on a dit non. À la guerre, non à la perte humaine que vous dites collatérale, non à l'exploitation de la misère qui pousse à traiter les hommes comme des rats. La tête sous l'eau avant de voir le danger, on le perçoit à la forme des vagues. On ne résout rien à exprimer des pulsions à la force des flammes. On a dit non à la guerre depuis qu'on a l'âge de comprendre. Part en prison pour une bagarre quand ton pays ne parle que de vengeance, de l'art d'être impitoyable, légitime ses attaques avec des tas de palabres qui n'ont rien de vrai quand les bombes éclatent. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. On a dit non. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre, on a dit non. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre, on a dit non. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre, on a dit non. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre, on a dit non. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre, on a dit non. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Who's going? droit tes oreilles, mon pote. On est motivé, monte le son de l'instru, mon pote. Génération 87 a connu les post-cassettes. Génération 1987, pété sous 8-6 avant la fin des années 90, mon pote. 2016, que de la monnaie, plus de principe. Street lord, rap et musique. Écoute. Génération 87 a connu les post-cassettes. Bibi Black pour process. Kakero, vodka sex. Père de Cortez, un chlasse papillon chromé dans la doudoune LS. Intelligent mais violent, ça fera de nous des mauvaises élèves. Les michetonneuses noires à colle, elles savent qu'on fait du pèse. Préoccupés par ces pétasses, ils sont complètement du père. Bah ouais, pas tout, je m'en bats les couilles. Pour moi, c'est rien plus qu'une baisse. À chaque qu'on a touché des chattes, bien avant d'avoir du sperme. Mais mal froid, aucun chaud, méga chaud, méga froid. Sans pote quand t'encules, A-sex sans huile, oméga 3. Génération 87, on arrache tout, on parle pas. Rapapapapapapa, dans la chatte à ton beau papa. D'après eux, je suis trop nerveux. Ok, plus que sympa. Je vais te ramener des vrais voyous. Tu vas me trouver plus que sympa. On cherche une issue à pas. Y'a un certain point qu'on franchira pas. Pour qu'au fond d'une impasse, on va tirer sur toi, on réfléchira pas. Ce soir, on finira pas. Finira pas. Je rentre chez moi avec du sang, du vomi sur les sapates. Je cache ma haine assez sur moi pour réveiller mes semblables. Ceux qui font les criminels dans le rap, on là c'est des méchantes blagues. Au lieu de gratter l'amitié ou des galops, va gratter des textes. Si on claque des doigts, hermano, tu vas claquer des fesses. J'suis pas un buzz, j'suis une poche, te baise et j'rencontre le pèse. J'pense aux frères qui graillent la gamelle, attendent des remises de peine. Pour faire à manger à nos proches, photo chacun sa recette. On finira sûrement aux assiettes, parce qu'on va grailler la sienne. Génération 87, talentueux dans le foot et la cesse. Si tu te rends pas compte de ta richesse, c'est que t'as pas connu la haisse. Je réfléchis, j'allume une cigarette, pas de caresse noyée dans la paresse. Depuis qu'ils ont rasé mon bloc, je vois plus mon quartier pareil. Génération 87, on découpe à la machette. Aucune salope nous achète, aucune épreuve nous achète. Un gérable comme un gosse hyperactif, on finit un peu à l'asile. T'arraches les feuilles de mon arbre, sale chmal, tu penses me faire mal à la racine. J'passe sur les Champs-Élysées, on fait R8, Maserati. Le sourire jusqu'aux oreilles, j'en démarche des malais racistes. T'es qu'un condescendant d'un autre grand con, très condescendant qui rendra des comptes. Parce que les cons pensent qu'ils vivront leur vie en indépendant. C'est l'osé qui mène la danse, ça me paraît comme une évidence. J'roule un joint, j'oublie ton existence. Génération 87, Lyon, Grenoble, Joinville et Sarcelles. Mais elles sont tous Clichy, mon fermet. Paulnay, Sougrigny, Évry et Corbeil. Lille, Roubaix, Tourcoing, Paname et Marseille. Toulouse, Rennes, Bordeaux, Nice et Valenciennes. Orléans, tournant plein de potentiel. Recueil, Cher, Saint-Étienne. Orly, Choisy, Vitry, à tous les crêts à l'ancienne. Villeneuve, le Roi. Villejuif. 9-4. 9-3. Passe le salam à la banlieue parisienne. Stas, Sevran, Bondier, Montreuil. Paix à tous les crêts qui se souviennent. Salam à tous ceux que j'oublie. Passe le salam à tous ceux qui nous soutiennent. Planète rap. 100% rap français. Et je vous l'avais annoncé, il est là, il vient d'arriver au micro, monsieur Dawa au mic, comment on va? Comment on va? Impeccable, mon frérot, je t'en remercie, et toi-même? Eh bah, bienvenue, cette nocturne, on l'avait promis depuis un moment, ça y est. On y est. Dawa, un petit mot sur toi. Qui es-tu? Où vas-tu? Ce que tu as fait? Alors, Dawa, pour ceux qui connaissent pas, D-A-W-A, Dawa au mic, et qui est 9394, voilà, je viens de Villeneuve-Saint-Georges, Villeneuve-Saint-Georges-Créteil, Montfermeil, Clichy-sous-Bois. Voilà, tu voyages en fait, hein. Ouais, je voyage, j'ai grandi dans ces deux départements-là, donc ça me tient à cœur. Je me suis présenté comme ça dans le rap, représenter deux départements, histoire de montrer qu'on est ensemble. Voilà, donc dédicace à tous les frères qui suivent depuis le début, toutes les frères et sœurs, voilà. J'ai sorti un premier album qui s'appelle Le Choix des Armes, ça remonte à, c'était en 2010. Mm-hmm. Voilà, ensuite j'ai enchaîné avec ma première compile Échantillon volume 1. Ensuite, j'ai fait Échantillon volume 2. Et j'ai sorti mon album qui s'appelle Second Souffle, il y a déjà, il y a 6 mois de ça. Et là, je suis sur la réédition de cet album qui s'appelle Second Souffle. Donc, on peut trouver, par exemple, ce soir, on peut aller cliquer tout de suite Dawa, Second Souffle. Ouais, ouais, bien sûr. Alors, sur iTunes, l'album est disponible, hein, donc n'hésitez pas, hein, à aller sur iTunes, voilà. 17 titres, voilà, que de la bombe, c'est du très très lourd. Même les anciens albums aussi, si vous cherchez bien, vous allez trouver. Donc, n'hésitez pas. Ce soir, beaucoup d'exclus sur Skyrock, la Nocturne avec Fred, voilà, beaucoup d'exclus. Donc, restez à l'écoute, ça va faire très très mal. Il paraît même que tu nous feras du live tout à l'heure. Un bon petit live, je vais me faire plaisir, vraiment, vraiment, je vais me faire plaisir en espérant que les auditeurs vont passer un très très bon moment. Et ben, envoyez plein de messages bombardés avec le hashtag la Nocturne, le hashtag Skyrock. Toi, pour te rejoindre d'ailleurs sur les réseaux sociaux, Dawa, on peut te suivre aussi. Ouais, bien sûr. Alors, Dawa Mike officiel, voilà. Donc, je suis dessus. Sinon, vous pouvez aller aussi sur Snapchat. Dawa au mic officiel, pareil, je suis beaucoup sur Snap aussi. J'ai l'impression que ça snap pas mal. Hein. Ça snap pas mal. Sinon, vous pouvez aussi aller sur la page Art Image, voilà, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup d'actualités aussi, voilà, parce qu'Art Image s'occupe aussi un peu de ma com et de mon visuel. Donc, allez-y, Dawa au mic officiel. Grosse dédicace à tous les frères du 9-3, 9-4, tous les départements, tous les frères en prison, toutes les familles qui supportent. Clichy-Montfermeil, Villeneuve-Saint-Georges-Créteil, Champigny-Bois-l'Abbé, Mordac, CHS, Chennevières, Mufiston, Foussen, tous les bleds, Algérie, Maroc, Mauritanie, Centrafrique, Centrafricain, tu connais, Congo, voilà, toutes les villes, désolé à ceux que j'oublie, Portugal, Italie, on est ensemble, la famille, ça bouge pas. Et le mieux pour faire connaissance avec Dawa, c'est de lancer ses sons, on débute tout de suite. C'est parti. Jour J ? Jour J. Mettez-vous bien, la famille. Dieu. C'est l'argent qui fait vip, l'alcool t'a rendu vip, t'as rêvé que t'étais libre, je sais que c'est vrai. Pas le paix, pas le télé, pas les couilles, je vais tout plier. Prier pour eux, je continue le jeu. Ça y est, j'y suis, c'est le jour J. En que ça pose dur, faut décompresser. Je vais tout péter pour ça, je suis pas pressé. J'ai investi, j'ai attendu. Le rap est une pute à l'heure, je mets les pendules. J'ai tout capté, sans parabole. J'ai plus son petit déj, ok, toi t'as pas de bol. Que des blaireaux qui s'affrontent des vies. La vie de ma mère, je peux leur enlever la vie. À mon avis, il va falloir que je me calme, que je canalise. On m'analyse, je fume des joints, ça me fait du bien. Tu m'as dit combien, mais ça va pas. C'est l'argent qui fait vivre, l'alcool t'a rendu ivre. T'as rêvé que t'étais libre, je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. La famille en Afrique, je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Moi j'en vois que du lourd, tu sais que c'est vrai. J'suis pas un rappeur, fais ça papa. J'fais du sale, j'frappe que par cas. À part ça, tout va bien. J'ai regroupé, par-ci par-là. Frappe du droit, ils sont pas prêts. La paix est levée, le coin est gâté. Plus de pitié, à la poutine, tant pis pour eux. J'les piétine, j'ai la dalle, j'ai de l'appétit. Moi c'est Dawa et c'est pas des bêtises. Arrêtez les sottises, j'vais tous les sauter. Pas les couilles de savoir quitter. J'mets le Dawa dans toutes les cités. À plus sur quitter, j'vais m'appliquer. J'vais les piquer, j'vais impliquer. Ouais, j'vais me tous piquer. Je sais que c'est vrai. C'est l'argent qui fait vivre. L'alcool t'a rendu ivre. T'as rêvé que t'étais libre. Je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. La famine en Afrique. Je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Moi j'en vois que du lourd. Tu sais que c'est vrai. Je je sais que c'est vrai. La famine en Afrique, je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Moi j'en vois que du lourd, tu sais que c'est vrai. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Wesh l'enfamé, ça devait être pire en pire ou pas? Dans mon mic, second souffle, réédition, mets-toi bien, on est ensemble. Wesh, c'est qui? 3-9-4, là où je crèche, là où je traîne, comme mon style, disco, je traîne. Soirées sont sacrées comme la poignée de main d'un rey qui vient de se marier. La route tourne comme un paillé. J'ai du mal à leur faire confiance. Bien sûr que je vois ma part. J'ai vu des reys partis de maladie ou d'accident tragique. Alors il me faut du fric pour accomplir mes rêves. Je vais leur faire vivre un cauchemar. Tout ton flingueur à la ceinture. J'en passe une couche. Beaucoup de bouches à nourrir. Beaucoup de faux culs à faire taire. Il se fait tard, wesh enfoiré. Tu me reconnais. Y'a ceux qui frappent, ceux qui parlent, ceux qui pensent qu'à aboyer. Je m'emballe. Oui, ça c'est du rap sans le thé. Le café sans sucre, parfois allongé. Désolé du dérangement, ils finiront par s'allonger. Dans le jeu, je fais du rangement, j'ai un bon rendement. Faut des sous pour manger. De pire en pire. Faut des sous pour s'habiller. De pire en pire. Faut des sous pour le loyer. De pire en pire. De pire en pire. De pire en pire. Faut des sous pour manger. De pire en pire. Faut des sous pour s'habiller. De pire en pire. Faut des sous pour le loyer. De pire en pire. De pire en pire. Cheer. De pire en pire. Y'a pas que les roses qu'il faut arroser. Je comprends plus grand chose. Je réponds à la demande en les mettant à la mangue. Je fais du mal sans faire exprès. Y'a rien de personnel. Ils croient l'école. Bien sûr que je suis opérationnel. Mon rap est une valeur sûre, valeur dire. Les vrais le savent. Les faux ont vu les vrais sont devenus faux. À défaut de vendre des disques, beaucoup sont devenus fous. Je me fie à mon instinct, Ray. C'est ce qui m'en tient debout. Je suis trop vrai pour être faux. Et ça depuis le début. 9-3-9-4, aller-retour. Villeneuve me fermeille. C'est là où je crèche, c'est là où je traîne. C'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai dégainé. Là où j'ai engrainé. Beaucoup de peine à deux chiffres. Et j'en suis peiné à peine sorti. On pense qu'à se refaire dans un gros fer. Bah ouais mon frère, y'a que les couleurs des bâtiments qui changent. Quand le chien n'est pas là, les souris font du twerk. Faut des sous pour manger. De pire en pire. Faut des sous pour s'habiller. De pire en pire. Faut des sous pour le loyer. De pire en pire. De pire en pire. Bah mon pote, c'est de pire en pire ou pas? Faut des sous pour manger. De pire en pire. Faut des sous pour s'habiller. De pire en pire. Faut des sous pour le loyer. De pire en pire. De pire en pire. De pire en pire. Faut des sous pour manger. De pire en pire. Faut des sous pour s'habiller. De pire en pire. Faut des sous pour le loyer. De pire en pire, poteau. De pire en pire. De pire. Tous les frères enfermés. Faut des sous pour manger. Tous les frères qui charbonnent. Faut des sous pour s'habiller. Tous les travailleurs, travailleuses. Faut des sous pour le loyer. Hein? De pire en pire. De pire en pire. C'est, de pire en pire. Hein? Bah ouais, c'est de pire en pire. T'as capté ou pas? Tout le temps il passe et plus c'est cher. Hein? Faut payer le loyer à manger. Attends, sortir salut. Madame, le type veut le jardin. Hein? Fourniture scolaire. Hein? C'est pour les trentenaires ça. Hein? Tu connais les bails en France. Hein? Faut tout payer. Faut tout payer à manger. Faut aller au cinéma. Hein? Faut aller là-bas. Faut aller là-haut. Hein? Payer l'essence, la voiture, les plaquettes de frein. Hein? Aller chez Speedy ou chez l'autre là. Je sais plus là. Mais tout est pire. De pire en pire, poto. Sur la vie de ma mère. Même pour acheter de la musique, c'est devenu dur, poto. Attends, bien sûr qu'ils téléchargent. C'est de pire en pire, enfoiré. Tu vois quoi, toi? Attends, c'est une pire époque des francs. Avec 2 euros et à 3 euros, poto. Je veux dire ou pas? Attends, c'est de pire en pire. Dur. Second souffle, album disponible sur iTunes, Dao Mike officiel, Facebook, Snapchat, Dao Mike officiel. T'as capté ou pas? On est ensemble, 9394, on est le sous. Aïssa, aïe, Lucas. 100% rap français, planète. La nocturne. c'est ma vie. Dans mon mic sur Skyrock, la famille. T'as capté ou pas? Fais le boulot, lâche rien. Cartel record. C'est ça les boys, 9-3-9-4. Du monde dans la mêlée, armé pour le million. Fallait pas t'en mêler, prolique, chargé comme un gros pilon. Le salam aux soldats, le mandat envoyé. Le son dans la gova, j'arrive en balle, c'est pas tard, bon vous voyez. Armé, prolique, désolé, follow me, follow me. La lune est pleine, j'arrive en mec, ici c'est que des loups. Villeneuve m'enfermé, c'est pour mes fêlés, faites pas les fous. Faut payer le loyer, faut s'habiller, il me faut des sous. Mon pire ennemi c'est moi-même, si t'es mon frère, allez viens je t'emmène. La coupe est pleine, ouais pourtant on est plein. On veut du pif, là mais faut la mettre plein. Et pour le souci, s'il y a du chiffre à faire, y'a pas de soucis. 9-3-9-4 c'est la rue imbécile. Pour les mettre à l'amende, il suffit d'un coup de fil à les fuir. C'est ta vie, ou c'est nos vies? C'est ma vie, c'est ma vie. Hein? C'est ma vie, ou c'est nos vies? Trop fier de crier au secours. C'est ma vie. J'ai vu mes pas se faire trahir. C'est ma vie. J'ai vu mes pas se reconstruire. C'est ma vie. Les peines et les allers-retours. C'est ma vie. Trop fier de crier au secours. C'est ma vie. Second souffle, album disponible. Édition d'album, que des exclus la famille. Le temps perd, fous ton ange. Le temps perd avec ta petite. T'as capté ou pas? Mais là, hey. Oh my. Pour les couches tard, c'est la nocturne. C'est la DST. T'as capté ou pas? Dawa Mike. C'est la nocturne avec Dawa. Dawa au Mike avec nous. Morceaux qu'on a pu écouter, c'est des morceaux alors extraits d'où, par exemple, Ma vie, celui-ci, Dawa. Alors, Ma vie, ce sera la réédition de l'album. Ouais. Voilà, donc là, il n'y a que des exclus. Donc, voilà, que des exclus. C'est ce qui annonce le futur projet qui sera disponible à la rentrée. Donc voilà, c'est vraiment une présentation. J'essaie de partager un peu ma musique. Donc pour les personnes qui veulent vraiment écouter l'album, bah n'hésitez pas, il y a des clips sur YouTube. Donc c'est des extraits de l'album qui est actuellement disponible. Donc voilà, vous pouvez aussi vous procurer l'album sur toutes les plateformes de téléchargement. Mais là, ce soir, à la nocturne, avec Fred, c'est que des exclus, la famille. Donc que des exclus, de Dawa. On l'entend d'ailleurs sur les morceaux, il y a quand même pas mal aussi de textes. Hein. Tu travailles le texte aussi, Dawa. Ouais, c'est important. C'est... Ouais, ça me tient à cœur. Je pense que, en tout cas, moi, je pense que c'est le premier boulot, c'est le texte. Ça commence par le texte et après, on ramène du flow, on ramène du contenu. Mais ouais, effectivement, je travaille beaucoup mes textes. Toi, c'est qui t'a donné envie de rapper? Tiens, par exemple, avant de sortir en 2010 ton premier projet, ceux qui t'ont mis une claque, où tu dis... Bah, il y a pas une personne, ouais, forcément, mais il y a plusieurs groupes, plusieurs intervenants. Donc voilà, moi, c'était Démocraté, j'ai Mafia qu'un free. On salue Black Jack, d'ailleurs, genre, voilà, c'est une pour Black Jack. Tous les anciens, un petit peu, quelque part, tu vois. Il y a vraiment des bonnes choses. J'étais un vrai consommateur de rap, moi, tu vois. C'est vraiment tous ces acteurs-là qui m'ont donné envie de rapper. Et après, j'ai déclaré un peu le truc. Voilà, j'ai baigné dans le rap, moi, vraiment. Tous les acteurs, tous rap les bons français, acteurs, et voilà, tout français. Le rap français, tous les bons rap français, t'inquiète pas, frérot, je suis de la bonne école. Donc, c'est vraiment ça. Donc, big up à tous les collègues. Dawa avec nous entre minuit et 1h du mat. Dawa au contrôle de la nocturne, 100% rap français. On repart sur un morceau, donc titre inédit, un morceau qui s'appelle Bad, c'est ça? Voilà, un morceau qui s'appelle Bad. Donc celui-là, c'est pareil aussi, c'est un morceau qui change un petit peu. Bon, je veux pas trop parler, vous allez écouter. Mais voilà, c'est un morceau qui me tient à cœur. Bientôt, il y aura le clip, il y aura d'autres exclus encore, mais mettez-vous bien. Mec, meuf, voilà, c'est pour tout le monde. Dawa, c'est pour tout le monde. Dawa au contrôle de la nocturne. Nocturne affamée. Dawa Mike. Bad, bad, bad. Pas l'amour, love, elle a trop souffert. Elle te promet d'être bonne. Oh, dis-le, girl, fais pas l'amour, love. promet d'être bagnole. Dans le noir des amants trop jolie, elle n'est pas du genre trop polie. Dans le milieu on l'appelle le colis. Elle t'a promis qu'elle sera bonne au lit. Elle bien fait pas l'amour là, elle a trop souffert. Elle te promet d'être bagnole. La boîte qu'elle est autonome, célibataire avec son homme. Elle aime pas qu'on lui donne, en somme c'est elle qui donne la donne. Donc elle consomme ceux qui croient, la consommer. Ton cèdre à les hommes se sentent comme un sommet. Un sommet par passé, sexe, alcool, drogue, voilà à quoi elle est exposée. Elle, elle bouge pour du mauve. Oui, elle s'exprime, son corps s'exprime. Elle aime pas trop le mytho. Elle fuck le love pour des loves. C'est une nouveau lit, elle innove. Elle vit le truc à fond, elle pilote. Ils finiront par l'aimer. Oui, non, elle est pas rainée. Son sexe à pile t'a engrainé. Tu sais que c'est elle qui va dégainer. T'as capté ou pas? Ils finiront par l'aimer. Oui, non, elle est pas rainée. Son sexe hein? À pile t'a engrainé. Tu sais que c'est elle qui va dégainer. Elle fait pas l'amour, love. Elle a trop souffert. Elle te promet d'être pas de girl, fait pas l'amour, love. Elle a trop souffert. Elle te promet d'être pas de colis. La plupart des hommes trop jolie. Elle est pas du genre trop polie. Dans le milieu on l'appelle le colis. Elle t'a promis qu'elle sera bonne au lit. Elle fait pas l'amour, love. Elle a trop souffert. Elle te promet d'être bonne au colis. Dur, toutes les bad girls, on est ensemble. Ça bouge pas, thug life. Dur, toutes les meufs autonomes qui font le boulot, qui paient leur loyer, qui vont charbonner. T'as capté ou pas? On est ensemble. Tiens, oh my cray. Tug Life. Tiens. 100% rap français. Planète Rap. La nocturne. Même si c'est la merde, on trouve toujours un subterfuge. Ramène un capote. Percute. Sur ces super putes. Featuring. Même si c'est la merde, on trouve toujours un subterfuge. Mais un hyper pute. Introduction, combinaison d'opérations. Ici des mots, j'ai toujours fait les choses à fond. Endurance de champion. Cartel, on fait un fruit. Des ténèbres, j'suis de retour. Flow assassin. J'en veux les baiser un par un. Comme De Niro, montre en main. J'ai résisté à l'ignorance. J'ai combattu contre la France. Exclu. Et ma tête au bout d'une lance. Il n'y aura pas de souffrance. Calibre sur la bouca, ça va péter comme un haka. J'ai vu flat, mon avocat. Faut que je trouve une plante en Alaska. Le shit me fait tout pour me distraire. Faut que je reste lucide, que je t'aménère. Sinon je m'entoure, elle m'entend en l'air. Lui fonce dès la porte de sa mère. Seul Dieu peut me juger, trop de chien me faire pardonner. Tu pèses, je parle poids, t'es SNE. T'as dessiné et t'y hâté. Y'a pas pire que de quitter cette terre sans science ou endetté. Ou sans savoir la vérité. Beaucoup ne pensent que pour fêter. Hanté par mes démons la nuit, je suis confronté à leur réalité. Le principal c'est de rester en liberté, en bonne santé. Ah, demon one. Round 2, fight. Je suis rusé, comme un renard de l'Est. Tu vas me sucer avec ton regard de Brest. Tonnerre de Brest, je suis en colère, je te baise. Quand on me verse de verre, même les obèses me plaisent. Y'a que devant Dieu que je me prosterne. Et surtout pas devant un poster. Je fume que les épices à prospère. Puis j'arrive avec des grosses cernes. Mauvais garçon drogué, je te baisse même sur une jambe dans ton salon de beauté. Je cours des foutus juments, je me suis mal comporté. Bientôt l'heure du jugement quand on sera convoqué. Les cadavres vont sauter, tous tes gars sont choqués. Je crache des flammes comme le putain de dragon doré. Ou le dragon de Moron, mec, je suis pas ton poteau. Car je sais très bien que sur moi t'as comploté. Les dés et les bites sont pipés. On baisera quand tes parents iront dîner. Ce soir je sors couvert, j'ai mis mon gilet. Pédé, tricher le dans ton cul, ton sifflet. Dans ta chatte, je fais une soufflette. Oui, t'es tout stone. Comme Whitney Houston, regardez tous ces bouffons, vous mes roustons. Nique la Merloc, je flotte sur la mer morte. Faut de la Nemo pour mes mômes, j'ai le signe euro pour mes mots. Round 3, fight. Parle dans la tête, les gros fait bellec. Y'a pas tête à tête, la rue t'encule direct. Salam alaikum, c'est la récidive. Tu connais le récit. Si tu savais ce que j'avais dans la tête, t'aurais pas fait l'imbécile. Je vais pas la laisser, je la fais mon linge en famille. T'as fait ton fou, tu t'excuses après ça, c'est pas la folie. Va te faire enculer, faut assumer. Mais c'est pas crédible comme un fumeur de doré qui s'est pas roulé. Ils vont tous couler, ils m'ont tous saoulé. Va faire en coulant, j'encule à sec au culot, ils m'ont reculé. Pas les coups de leur place, de leur buzz à la base. Nous on les baise, cher. C'est pas eux qui paient le loyer, c'est pas eux qui mettent le fils à l'aise. À peine réveillé, elle veut sa levrette. Pour pas le lever, il faut délever le tout en vitesse. Aucun ami, tu connais la magie, y'a pas de session finie. Aucun ami, tu connais la magie, y'a pas de fit sans feeling. Tchir, dans mon mic, Rex, Street Fighter. T'as capté ou pas? Al Capote, Demo One. Même si c'est la merde, on trouve toujours un subterfuge. Toujours. Mais un uppercut sur ces super putes. Même si c'est la merde, on trouve toujours un subterfuge. Toujours. Mais un uppercut. C'est la nocturne avec Dawa au mic au contrôle de la nocturne avec nous. Je disais, tiens, avant de balancer les morceaux, je disais c'est vrai qu'il y a du texte et puis il y a aussi des moments de relâchement hein, comme ceux-là. On exactement. Des petits moments de détente. Petits moments de détente, on se fait plaisir, frère. Levrette. Si, une petite levrette. Bah ouais, du bon matin, ça fait pas de mal à ce qui paraît. Et c'est bon pour la santé. À ce qui paraît. Je vous conseille. À ce qui paraît. Vraiment, faites l'amour, faites pas la guerre. Si vous pouvez éviter la guerre, faites l'amour. C'est ça vrai. Super du en ces moments, c'est pas mal. Ouais, t'as raison. Franchement, ouais. Je pense que le message est pas mal en tout cas. Si. Dawa avec nous. Un petit mot quand même sur les gens qui t'accompagnent, que ce soit Demon One ou Al Capote sur ce morceau. Si pareil, c'est des gens que t'as écouté, beaucoup écouté, que t'écoutes. Voilà, exactement. Mafia Carefree, forcément. Exactement. C'est Al Capote, c'est quelqu'un que j'aime bien son univers. Voilà, j'aime bien son truc. Il fait toutes les personnes qui font leur truc dans leur bulle et tout. J'aime bien. Donc je l'ai rencontré via Demon. Voilà, Demon One, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Voilà, un membre de la Mafia Carefree, intouchable, tout ça. Encore hier, j'étais avec lui. Voilà, il a signé dans mon label. Ça fait déjà un an. Donc on travaille sur son album. Ça, c'est un morceau qui sera exclu de l'album de Demon. Bon, on pourra retrouver aussi sur quelques projets à moi. Bien sûr, voilà, c'était un bon featuring. Bientôt on va faire le clip. Même Al Capote, il a une bonne action en ce moment, donc n'hésitez pas à aller checker ce qui se passe. Voilà, un bon morceau. Voilà, on s'est fait plaisir. Le nom c'est Street Fighter. À la prod DJ Oldem, grosse big dédicace à toi, DJ Oldem, pour ta prod, hein, tout simplement. Ah oui, tu veux dire un mot d'ailleurs sur les gens qui ont bossé avec toi autour du projet du dernier, en tout cas, et puis celui qui sortira à la rentrée, la réédition. Ouais, bien sûr. Alors, en termes de prod, ben moi je bosse avec plusieurs beatmakers hein, qu'on peut retrouver. J'ai pas tous les noms en tête là pour être franc. Sinon voilà, des mecs comme DJ Oldem, voilà, et beaucoup d'autres. Sinon en termes de vidéos, en ce moment je bosse beaucoup avec Harry Image. Sinon voilà, grosse dédicace à tous les frérots qui me suivent, tous ceux qui m'ont donné de la force depuis des années. Voilà, vous êtes beaucoup de partenaires, donc je vous oublie pas, hein, vous êtes là. Donc là je continue mon petit chemin. Comme je te disais, on est sur l'album de Demon. Je reviens aussi avec la réédition de mon album. Je sais pas si les gens ils ont fait attention. Je vais rebondir sur ce que tu m'avais dit tout à l'heure par rapport à mes textes et tout. Ouais. Donc, j'aime bien les chansons à texte. Et il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo pour Youssoufa parce que c'est un artiste que j'aime bien, tu vois. Mm-hmm. C'est un artiste que j'aime bien. J'aime bien sa musique, j'aime bien ce qu'il fait. Et artistiquement parlant, j'aurais bien aimé faire un featuring avec lui. Et voilà, j'ai pas voulu faire comme tous les rappeurs. Je le connais pas personnellement, tu vois. Donc j'ai pas voulu faire comme tout le monde. Et voilà, j'ai préféré faire une vidéo. Comme on voit beaucoup de vidéos, il y a du tout et n'importe quoi dans certaines vidéos, tu vois. Donc je critique pas, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais là j'avais aussi, c'est une manière de passer aussi un message, voilà, de pas trop se prendre la tête, quoi. C'est que de la musique, tu vois. Et vraiment c'est un message de paix. Donc je relance le truc encore une fois en direct. T'as pas une nouvelle pour l'instant, Pour l'instant j'ai pas une nouvelle. J'ai eu des nouvelles parce qu'on a des gens en commun, bien sûr, forcément. Donc je reçois des coups de fil, des gens qui me proposent bah tiens des choses. Mais je t'avoue que j'aimerais bien qu'il me réponde lui personnellement. Je pense peut-être qu'il est ouvert, je ne sais pas, mais j'espère en tout cas. Mais voilà, on a beaucoup d'intervenants autour de moi et de lui, parce que comme je t'ai dit, on a des gens en commun. Mais ça serait bien qu'il prenne la peine de me refaire une vidéo, ou sinon de trouver mon numéro et m'appeler, parce que vraiment si on cherche mon numéro, on le trouve. Et voilà, et à travers ça, c'est vraiment un message de paix pour si c'est une aventure, c'est un pari, c'est un challenge. Et après bah voilà, les gens suivront la continuité du truc. Je pense que ça peut le faire, c'est que de la musique. Et encore une fois, j'aime bien sa plume. Moi voilà, je pense avoir une plume aussi. Je pense qu'on peut faire un bon truc. Et le thème c'est ensemble. Donc voilà, c'est histoire de il y a un message derrière. On a un petit peu de folie hein, t'as vu, mais on est quand même très bah, en tout cas il y a une unité, pardon, c'est ça. Voilà, il y a un côté unité. Voilà, juste rapologiquement parlant, je pense que ça peut faire du bien en rap, en toute humilité bien sûr hein. Et ben Youssoufa, le message est lancé. Youssoufa, voilà. Si tu nous écoutes à cette heure-ci, n'hésite pas. Il s'appelle Dawa au mic pour le contacter. Tiens, rappelle aussi les réseaux sociaux. Dawa au mic officiel, hein, vous allez sur Facebook, vous trouvez Snapchat. Voilà, vraiment, vous faites Dawa Mike, on vient sur FB ou autre, tous les réseaux sociaux, s'il y a des gens en commun. Donc n'hésitez pas. Un gros big up à toutes les personnes qui passent au studio. Je rappelle, voilà, j'ai mon studio, j'ai mon label. Donc un gros big up à toutes les personnes qui passent depuis 2 ans déjà. Donc voilà, merci pour toute la force que vous me donnez, tous les sons que vous envoyez. Je vois votre évolution. J'espère que vous regardez aussi la mienne. Et que voilà, on est tous ensemble, les frères, c'est que de la musique. Et voilà, et grosse big up à toi, Fred, bien sûr. Voilà, gros big up à toi et toute ton équipe, Skyrock. Et voilà. Et bah merci d'être là. En tout cas, on repart sur c'est une nouvelle session avant de passer au live dans quelques minutes. Vite et rêve. Mettons bien la famille, on est ensemble. Sur Skyrock, Dao Mike, la nocturne. T'as capté ou pas? Tchao! Wayne. You're listening to Cartel Records. Vite tes rêves, la famille. Rêve pas ta vie. T'apprends à pêcher en commettant des péchés. T'as eu ton bac, t'as pas été repêché. Remplis tes poches, mais bien tes proches. La fin est proche, y'aura pas de prochaine. Soit on est ensemble ou soit on l'est pas. Major en l'air pour tous ceux qu'on l'est pas. Il veut pas que j'avance, tu l'as remarqué. Pour faire les paysères, il faut se démarquer. J'ai pas démarré, ça me fait plus marrer. Je veux mailler, elle veut se marrer. Laisse parler, c'est des chariots. Ils font les acteurs, j'fais les scénarios. Ici c'est Paris, ouais on meurt ensemble. Tu dis que ta mère trahit, c'est bien l'instant. Faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qui paraît, eux c'est des bandits. Cascade des crânes, crée sur la moto. Roule ou crève, t'inquiète, tu la pote. Pourquoi tu parles, toi, t'étais pas là. T'étais pas né, nous on fait la moula. J'sais pas, ils sont où, vas-y mollo. On est ensemble, et moi j'suis solo. Wesh mon salaud, laisse-toi aller. Ça va aller, j'me dis qu'ils vont avaler. La prod est salie, j'suis de bonne humeur. Parfois elle rirait, parfois elle pleure. J'fais pas partie de ces médisants. Débrouillard depuis mes 10 ans. De 6 secondaires, ouais c'est suffisant. Qui t'a dit que c'était insuffisant? Vis tes rêves et rêve pas ta vie. Fais ton oseille, demande pas leur avis. Wesh ouais, on fight. Vis tes rêves et rêve pas ta vie. Vis tes rêves et rêve pas ta vie. Vite et rêve et rêve pas ta vie. Vite et rêve et rêve pas ta vie. Pas ton affaire, le temps c'est d'argent. Dur d'avancer dans la merde en argent. Dis-moi qui tu es, je te dirai avec qui traîner. Oui, tous ensemble dans la rue à se faire engrainer. Graine de délinquance, toujours prêt à dégainer. Roule ou crève, rêve, fais pas le pédé. Ok, je comprends, t'as pas compris. C'est pour mes compères qui tournent son prix. Je fais couler le sang, la rue se ressemble. On est ensemble, c'est mon son, tu le ressens. Même en été, on va rien arrêter. Rien à regretter, la rue, on y était. Toujours OP, moi je suis dopé. Ils veulent nous stopper, je prends sans dire s'il te plaît. Toujours OP, moi je suis dopé. Ils veulent nous stopper, je prends sans dire s'il te plaît. Ouais, je suis fou. Vite et rêve et rêve pas ta vie. Vite et rêve et rêve pas ta vie. Vite et rêve et rêve pas ta vie. Cartel Records. Vite et rêve et rêve pas ta vie. Rap français, planète rap. La nocturne. Oh my crack. 9394. T'as capté, Ray. On est ensemble. Un petit classique pour les amoureux du rap. On est ensemble. C'est que de la musique. T'as capté, Ray. On est ensemble. Je me parle à moi-même, les cicatrices partent d'elles-mêmes. Cartel mon enseigne, la prod je la scène. Je me sers, je le seum. Rien à comprendre, je crois que je suis pas comme Ray. Si tu penses comme moi, allez arrête tes conneries. Raconte que de la merde, je les baise leur buzz. Ça je l'ai pas assez dit, dans le travail je suis assidu. J'ai pas changé, juste évolué comme la corde du chômage en France. Y'a que les cons qui changent pas d'avis. Alors je me parle à moi-même, Ray. Après un mois, j'ai deux, je me parle à moi-même. Après plusieurs péchés, la rue c'est pas un jeu. Beaucoup de nos roses ont séché. Nous on sèche plus nos larmes, on cache plus nos armes. Elles pleurent quand on saigne, on saigne quand elles souffrent. Tu te parles à toi-même, tu cherches le second souffle. Donc t'y arriveras, on se voit à l'arrivée. Je me parle à moi-même, pourquoi sont-ils aussi cons? Ainsi va la vie, ainsi font les cons qu'ils savent se faire en les queues. Préviens les autres, paraît que c'est la guerre, ils savent même plus qui. Crois-tu savoir qui fait quoi, crois-tu ce que tu vis? Tout en sachant ce que tu veux, je crois que t'as pas compris. Je me parle à moi-même, si tu où ça ramène. J'ai le juste équilibre, je paye pour rester libre. Allez leur dire, il est trop tard. Le mal est fait, je me parle à moi-même. Mon pire ennemi est anodin. C'est pour ceux en cage, ceux qui payent cash. Les chiens font pas des charges, courent pas après les chattes. Y'a un os dans leur dos, parle pas au tel. J'ai déjà mal au dos, parlons tarot et intérêt. Intérêt à tenir ta langue, bénéf dérisoire. Tu te parles à toi-même, Ray, j'étends le territoire. À tes risques et périls, fais gaffe où t'atterris. J'ai fait le tour du périph, je connais bien le périple. Alors je fais, oui, moi j'ai faim. L'appétit vient en mangeant, chez nous on rate pas les repas, mais mon repos. Rappeur, producteur, je fais du rap et du sport. À part ça, rien de spécial, je gratte mes textes sur mon portable. Les feuilles me servent qu'à rouler, s'avère que c'est moi, qu'est-ce que vous voulez. On se comprend entre incompris, comprendront ceux qui doivent comprendre. Moi je comprends qu'on se comprend plus. Il nous en a fallu des galères pour comprendre ce qu'on n'a pas lu. Pas parce qu'on savait pas lire, on a appris à nager dans la merde et ça sans trop se salir. Les diplômes font plus les salaires, alors à chacun son salut. Il est pas trop tard mais trop tôt pour crier victoire. Victime de nos envies dans un monde illusoire. L'illusion se trouve pas devant mon miroir. En accord avec moi-même, je compte sur les miens comme je compte sur moi-même. Mes amis se comptent sur les doigts de mes mains. C'est à force de mots que je partirai demain. Pas de demi-mesure, c'est tout, rien, rien, rien d'autre à dire. Trop de choses à faire, cartel, ma maison mère. Le faux cul, on les emmerde. C'est la Nocturne 100% rap français d'Awa au mic, au contrôle de la Nocturne. Et cette petite reprise, ce petit freestyle, l'instant d'Awa. Ouais, je me suis fait plaisir, frérot. Comme, ouais. comme au début. Ça glisse, c'est comme ça. Ça glisse. Franchement, j'aime bien. J'espère que les gens ont apprécié. Voilà, mettez-vous bien. C'est que de la musique. Voilà, on a entendu diverses choses. J'essaie d'aller dans plusieurs univers. Donc voilà, c'est un peu ça d'Awa au mic. Donc j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à aller cliquer. Mais c'est pas fini, puisqu'il y a la session live dans un instant. Non, et puis il y a un morceau qui s'appelle Volontiers. Tu veux qu'on le passe maintenant ou après la session live? Après la session live. Après la session, parce qu'il m'a dit, ouais, faut qu'on finisse avec celui-ci. Ouais, avec celui-là. Donc mettez-vous bien, c'est un morceau qui s'appelle Volontiers. Voilà, donc c'est de l'afrotech. Moi je l'ai appelé afrotech. Donc n'hésitez pas, vas-y, on va se mettre bien avec le freestyle déjà. Hein, on va faire chaque chose en son temps. Donc session live, est-ce que tu es prêt maintenant? Bah vas-y, c'est parti, frérot. On peut attaquer. C'est parti. Dans la Nocturne. Yeah. Capté, Ray. On est ensemble. Yeah. Yeah. Yeah. Je me parle à moi-même, les cicatrices partent d'elles-mêmes. Cartel mon enseigne, la prod je la scène. Je me sers, j'ai le seum. Rien à comprendre, je crois que je suis pas comme Ray. Si tu penses comme moi, allez arrête tes conneries. On raconte que de la merde, je les baise, leur buzz. Ça je l'ai pas assez dit, dans le travail je suis assidu. J'ai pas changé, juste évolué comme la courbe du chômage en France. Y'a que les cons qui changent pas d'avis. Alors je me parle à moi-même, Ray. Après un ou un jeu deux, je me parle à moi-même. Après plusieurs péchés, la rue c'est pas un jeu. Beaucoup de nos roses ont séché. Nous on sèche plus nos larmes, on cache plus nos armes. Elles pleurent quand on saigne, on saigne quand elles souffrent. Tu te parles à toi-même, tu cherches le second souffle. Donc t'y arriveras, on se voit à l'arrivée. Je me parle à moi-même, pourquoi sont-ils aussi cons? Ainsi va la vie, ainsi font les cons qu'ils aillent se faire en les queues. Préviens les autres, paraît que c'est la guerre, ils savent même plus qui est qui. Crois-tu savoir qui fait quoi, crois-tu ce que tu vis? Tout en sachant ce que tu veux, je crois que t'as pas compris. Je me parle à moi-même, sais-tu où ça ramène? J'ai le juste équilibre, je paye pour rester libre. Allez leur dire, il est trop tard, le mal est fait. Je me parle à moi-même, mon pire ennemi est anodin. C'est pour ceux en cage, ceux qui payent cash. Les chiens font pas des charges, courent pas après les chattes. Y'a un os dans leur dos. Parle pas au tel, j'ai déjà mal au dos. Parle au tarot et intérêt. Intérêt à tenir ta langue, bénéf dérisoire. Tu te parles à toi-même, Ray, j'étends le territoire. À tes risques et périls, fais gaffe où t'atterris. J'ai fait le tour du périph, je connais bien le périple. Alors je fais oui, moi j'ai faim. L'appétit vient en mangeant chez nous. Rate pas les repas, même en repos. Rappeur, producteur, je fais du rap et du sport. À part ça, rien de spécial. Je gratte mes textes sur mon portable. Les failles me servent qu'à rouler. Il s'avère que c'est moi, qu'est-ce que vous voulez. On se comprend, train compris. Comprendront ceux qui doivent comprendre. Moi je comprends qu'on se comprend plus. Il nous en a fallu des galères pour comprendre ce qu'on n'a pas lu. Pas parce qu'on savait pas lire. On a appris à nager dans la merde et ça sans trop se salir. Les diplômes font plus les salaires, alors à chacun son salut. Il est pas trop tard, mais trop tôt pour crier victoire. Victime de nos envies dans un monde illusoire. L'illusion se trouve pas devant mon miroir, en accord avec moi-même. Je compte sur les miens comme je compte sur moi-même, mes amis. Se compte sur les doigts de mes mains, c'est à force de mots que je partirai demain. Pas de demi-mesure, c'est tout, rien, rien, rien d'autre à dire. Trop de choses à faire, cartel, ma maison mère. Le faux cul en les emmerde. Dieu, bravo Mike Ray. Sur la nocturne, mets-toi bien, c'est que du rap. T'as capté ou pas? On est ensemble, oui, oui, oui, oui. 9-3-9-4, c'est là où je crèche, c'est là où je traîne. Comment ça ils disent? Tous, Ray, c'est nous les Ray, Ray. T'as capté? C'est sur la durée qu'on voit les frères solides. Hein? Bravo Mike Ray. 9-3-9-4, Dieu, on est ensemble. Yeah! Dieu! Paradisiaque. Second souffle. Hein. T'étonnes pas tout ce que t'entends. Le chétan nous a tenté. Le temps c'est de l'argent. Mes démons viennent me hanter. Faut être à la hauteur de ce que Dieu nous a donné. La pitié vient en mangeant. L'arme m'a condamné. J'ai la pêche et la santé. Fleur et freine et la santé. Coupable d'être innocent. La rue t'a fait chaler. Du monde dans l'escalier. Du monde dans l'ascenseur. Roumain au rodateur. Ça y est, la France est calée. La France, on la connaît. Plus que François Copé. À ce qu'il paraît, tu l'aimais. Mais la pute a trompé. Le flow n'est pas pompé. J'ai le feu, appeler les pompiers. Le Tao on connaît. Je sais sur qui compter. Prie pour ta place au paradis. La route allume pour pas un radis. Tu l'aimais, tu l'as laissé filer. Y'a pas que les joints qui vont défiler. Ça parle de qui? Ça parle de quoi? Ça parle pour qui? Ça parle pourquoi? Je sais ce que je vis. Je sais ce que je vois. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je vois. Prie pour ta place au paradis. La rue t'allume pour pas un radis. Tu l'aimais, tu l'as laissé filer. Y'a pas que les joints qui vont défiler. Prie pour ta place au paradis. La rue t'allume pour pas un radis. Tu l'aimais, tu l'as laissé filer. Y'a pas que les joints qui vont défiler. Prie pour ta place au paradis. La rue t'allume pour pas un radis. Tu l'aimais, tu l'as laissé filer. Y'a pas que les joints qui vont défiler. Oh Mike Ray. Paradisiaque. Second souffle, album disponible. Pleine lune. Pilon face, spartiate. Cassage de tête, pleine lune. Fire, bitch. Un. Pilon face, spartiate. Cassage de tête, pleine lune. Pilon face, spartiate. Cassage de tête pleine. Pilon feuille sparsate. Cassage de tête pleine. Pilon feuille sparsate. Cassage de tête pleine. Pilon feuille sparsate. Cassage de tête pleine. Pilon feuille sparsate. Cassage de tête pleine. Pilon feuille sparsate. Cassage de tête pleine. Pilon feuille sparsate. Cassage de tête. Ok, ok, ok. J'ai le flow qui met ok. Oh là là, oh les mains, voilà les fous, on se lève, bouge ta tête si t'es ok. C'est pas méchant, on est là, pour longtemps ta vie, on peut la ôter. C'est pour tous mes gavas qui fument dans la Kovaki. Pour pas voter. Ok, ok, ok. J'ai le flow qui met ok. Oh là là, on les mangue, là les fous, on se lève, bouge ta tête, si t'es ok. C'est pas méchant, on est là pour longtemps, ta vie, on peut la coter. C'est pour tous mes gavas qui fument dans la Kovaki. Pour pas voter. Inutile de nous menacer. Avant de sortir, attache tes lacets. Je l'ai déjà dit. La rue me fait faire des saloperies. C'est ça le prix. C'est ça le cri. Contrôle d'identité. Ces fils de pute font dans la quantité. Ils seront servis. C'est du relou, nous, je l'ai déjà dit. Rassage de tête, plein de pute. Ok, ok, je suis le flow qui met ok. Oh là là, on les mains, dans les fous, on se lève, bouge ta tête, si t'es ok. C'est pas méchant, on est là pour longtemps, ta vie, on peut la coter. C'est pour tous mes gavas qui fument dans la cova qui vont pas voter. Ok, ok, ok, j'ai le flow qui met ok. Oh là là, on les mains, là les fous, on se lève, bouge ta tête, si t'es ok. C'est pas méchant, on est là pour longtemps, ta vie, on peut la coter. C'est pour tous mes gavas qui fument dans la cova qui vont pas voter. Centrafrique, yeah. Centrafrique, tous les bleds, on est ensemble. Vite et rêve, à bout, on est ensemble. Yeah, Aïssa, Kouz, on est ensemble, on est sous 9394, la mine, ah, on est ensemble. Hey, Fiston, Fusen, ça dit quoi? On est là, Fred de Sky, la famille, la nocturne, mettez-vous bien la famille. Dieu, vite tes rêves. T'apprends à pêcher en commettant des péchés. T'as eu ton bac, t'as pas été repêché. Remplis tes poches, mais bien tes proches. La fin est proche, y'aura pas de prochaine. Soit on est ensemble ou soit on l'est pas. Majeur en l'air pour tous ceux qu'on l'est pas. Il veut pas que t'avances, tu l'as remarqué. Pour faire les baisers, il faut se démarquer. J'ai pas démarré, ça fait plus marrer. Je veux mailler, elle veut se marier. Laisse parler, c'est des charlots. Ils font les acteurs, je fais les scénarios. Ici c'est pareil, ouais on meurt ensemble. Tu dis que de la merde, très sainte valeur. Faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qui paraît, c'est des bandits. Casque intégrale, ray sur la moto. Roule ou crève, t'es que tu l'as pote. Pourquoi tu parles, toi? T'étais pas là, t'étais pas né, nous on fait la moula. J'sais pas, ils sont où, vas-y, molle. On est ensemble, mais moi j'suis seul. Wesh, mon sale, laisse-toi aller. Ça va aller, j'te dis qu'ils vont avaler. La prod est salée, j'suis de bonne humeur. Parfois elle rit, ray, parfois elle pleure. J'fais pas partie de ces médisants. Débrouillard. Depuis mes 10 ans, de 6 au compteur, ouais, c'est suffisant. Qui t'a dit que c'était insuffisant? Vis tes rêves et rêve pas ta vie. Fais ton oseille, demande pas leur avis. Wesh, ouais, enfoiré. Vis tes rêves et rêve pas ta vie. Vis tes rêves et rêve pas ta vie. Vis tes rêves et rêve pas ta vie. Vis tes rêves et rêve pas ta vie. C'est de l'argent, dur d'avancer dans la merde en nageant. Dis-moi qui tu es, je te dirai avec qui traîner. Oui, tous ensemble dans la rue à se faire engrainer. Graine de délinquance, toujours prêt à dégainer. Roule ou crève, ray, fais pas le pédé. Ok, je comprends que t'as pas compris. C'est pour mes compères qui tournent nos prix. Je fais couler le sang, la rue se ressemble. On est ensemble, si mon son tu le ressens. Même en été, on va rien arrêter. Rien à regretter, la rue on y était. Toujours OP, au shit tu dopé. Ils veulent nous stopper, je prends ça, s'il te plaît. Toujours OP. Oh shit, tu topes, ils veulent nous stopper. J'prends un sort, s'il te plaît, wesh, enfoiré. Vis tes rêves et rêve pas ta vie. Vis tes rêves et rêve pas ta vie. Vis tes rêves et rêve pas ta vie. Tire, wesh, enfoiré. Vis tes rêves et rêve pas ta vie. Oh my friend, 9-3, 9-4, on est ensemble. Sur Skyrock, la nocturne, mets-toi bien. T'as capté ou pas? Dur, vite tes rêves, second souffle. La édition d'album, que des exclus la famille. Dur, dans mon mic, 9394. Dur. Et Dawa en live à l'instant, dans la nocturne. Je te remercie, Fred. 100% rap français, session live avec Dawa. Merci, Dawa. C'est moi qui te remercie, Fred. Attends, c'est pas fini, on va pas se quitter comme ça. On va finir avec un dernier morceau. C'est un morceau qui te tient particulièrement à cœur, je crois, volontiers, celui-ci. Ouais, voilà, comme c'est un petit son que je viens de faire, voilà, ça me change un petit peu. Donc, on va m'entendre sur ce genre de musique. Donc, moi, ça, je me suis fait plaisir. J'espère que ça va faire plaisir aux gens. Il y a un bon clip qui arrive, incessamment sous peu. Donc, restez connectés, mettez-vous bien. C'est un son pour club, voilà. Attendez-vous à entendre ça un peu partout. En tout cas, moi, je vais me battre pour. Un gros big up à Skyrock. Un gros big up à tous les auditeurs de Skyrock. Voilà, Dawa Mike. Si vous connaissez pas, pour ceux qui connaissent, un big up à vous. Voilà, la famille est grande et on aimerait bien encore agrandir un petit peu plus. Ça grandisse encore, non? Voilà, exactement, frérot. Donc, n'hésitez pas à suivre Dawa au Mike. Allez cliquer un petit peu sur les réseaux sociaux. À la rentrée, donc, il y aura une réédition. Une réédition d'album, voilà. Il y a une compil aussi qui s'appelle Tonton Flagger avec beaucoup d'intervenants dessus. Iron Side, Demo One et beaucoup d'autres, j'en passe, excusez-moi les frères. Mais voilà, sinon on est sur la réédition, c'est l'album Second Souffle. Allez, il est disponible sur iTunes actuellement. La réédition, tous les sons que vous avez entendus, ils seront disponibles incessamment sous peu. N'hésitez pas à venir me voir sur les réseaux sociaux, partager, cliquer, j'aime, c'est que de la musique. Dao Mike, il lâche rien et c'est que le début. Second Souffle, ça parle de lui-même, c'est juste un second souffle. Après le second souffle, c'est la gagne. T'as capté ou pas? C'est soit on est ensemble ou soit on l'est pas. Vis tes rêves, rêve pas ta vie. Merci à toi, Fred de Sky, on est ensemble, la famille. Il en a du souffle en tout cas, Dawa. Aïe, il en a, mon poteau. Allez, on écoute ce morceau volontiers avant de se dire au revoir. Nocturne, Dawa au mic. Yeah. Moi, je dis quoi, la famille? Ce soir, elle s'assira sur moi, yeah. Je fais ça bien à volonté. Je dis pas trop, je veux faire le film en entier. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Mes gars veulent me tacler, mais c'est moi qui l'ai vu en premier, yeah. Je retombe sur mes pas comme un chat. Ça y est, j'en vois passer, rien de méchant. Démarche allégeante, toujours élégante. Silhouette allégée, oh mon Dieu, je crois que j'ai péché, yeah. Sa bouche est tollée à la chicha. Parti chez moi, on ne parle pas du foie. Elle se rapproche de moi, elle me demande tu fais. Oui messieurs, fin du jeu, avec volonté. Moi j'en dis quoi? Solide, vous captez ou pas? Dans le mic. Voilà Dawa au mic avec ce morceau qui s'appelle Volontiers. Merci d'être passé Dawa dans la nocturne. Encore une fois, c'est moi qui te remercie, c'était un plaisir frérot. Et puis on se retrouvera donc à la rentrée. À la rentrée avec des nouvelles brand new et voilà avec un album tout frais, tout neuf. Une belle pochette, des beaux clips et voilà, on va charbonner. Un gros big up à tout le monde et encore une fois à tous les auditeurs de Skyrock. N'hésitez pas, venez voir ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se prépare, il y a du lourd, il faut en être. Allez suivre Dawa au mic, merci à tous ceux qui t'ont accompagné aussi pour cette nocturne. Un gros big up à toutes les personnes qui sont présentes avec moi, voilà. Toute l'équipe, Lamine Camara, Sakoche, Dylan, Alex, Kevin, Fusen, Aïssa Kouz, voilà tout le monde. Shakira et tout le monde et toutes les personnes qui écoutent actuellement, voilà, il y aura d'autres moments, d'autres opportuns, voilà, suivez-moi, concert, tout ce qui se passe, voilà. Il y a des concerts d'ailleurs, Dawa, que tu vas annoncer ou pas? Là, je veux pas trop annoncer maintenant parce que je suis en train de mettre ça en place avec des tourneurs, tout ça, donc voilà, même, je suis en contact avec quelques tourneurs, donc n'hésitez pas, si vous voulez, s'il y en a encore d'autres, ben, venez me voir, voilà, il y a du son, il y a des belles choses à faire, des collaborations, beatmaker, ce que vous voulez, voilà, j'ai montré un peu l'étendue de la palette. Ouais, donc, tu peux poser sur plein de sons, en fait, différents. Voilà, c'est le cas avec le son d'Ayam tout à l'heure qui est sur Mastéva va craquer. Exactement, je suis vraiment ouvert, c'est que des morceaux musique. Un petit peu plus celui-ci festif, j'ai envie de dire comme ce qu'on vient d'écouter Volontiers. Exactement, plus festif, plus conscient, plus tug, plus voilà, c'est vraiment de l'artistique, je mets vraiment toute ma force dans l'artistique. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est de la musique, venez, on se met bien sur de la musique et voilà et on avance. Vis tes rêves, voilà, je vis mes rêves, donc venez les vivre avec moi, il y a pas de problème. Merci à toi Dawa. C'est moi qui te remercie. Merci Fred de Sky en ensemble. Planète Rap 100% rap français. Allez, la suite de la nocturne 100% rap français avec beaucoup d'albums encore qui sont sortis aujourd'hui, beaucoup de projets, des projets surprises comme celui de Niro, on écoutera un extrait dans un instant, Kenny Arcana. Que Crack est sorti aujourd'hui et puis l'album de SCH Anarchy qui est numéro 1 des ventes digitales. Déjà, on l'a découvert dans Planète Rap cette semaine entre 20 et 21. SCH. Pour continuer cette nocturne 100% rap français, voici le titre qui s'appelle Anarchy. Les équipes décimées, les boucheries, t'as même pas idée. J'passe sur SKY, j'passe sur OKLM. Ça sent le gris montagne, pute, les grosses fiscalités. J'passe te tuer ce week-end, après j'baiserai ta mère. J'lui chanterai si tu savais comme Jean-Philippe Smet. Cristalline pleine de siroc. Les jeunes prennent la coke et visent la teuté. Mon pays s'est plaqué un 3, mets-toi un doigt, tête brûlée. BCBG, VEP, TPGP, bossage 24 en TP. En TT, on vient pas au début. Y'a des mères qui pleurent leur fils hier, c'était encore leur bébé. Rien qu'on pense au débit. Mandat lap 145 et j'rai pour rébut. J'pisse sur l'industrie, ouais, qui l'aurait cru. Plutôt, pourtant j'l'avais dit. Moi j'vais peut-être mourir du plan. Deux, trois connards diront que j'étais bon. Toi t'applaudis, j'ai des hompes et des races. Tu sais que le teutré lui connaît les hons. Dans la jungle, un putain de bleu, c'est le caméléon. J'compte plus les déceptions. Les gens que j'ai ados, j'étais type, j'voyais le teuchy calmer les grands. Y'a des crimes en pas, maman. Tire Kéridin, plante en floraison sous les néons. Cocaïne noyée dans le bain-marie. Meurt à tout petit feu sous les rayons. Du soleil qui brûle le goudron de ma ville. J'mets le plat, rien à foutre du prix du baril. J'attends ta teuté pour payer la prime. J'attends de voir naître ma concu, j'attends ton cul. J'attends que la pute de juge libère Karim. J'crois beaucoup en le chiffre, peu en l'homme, peu en l'homme. Quitte à être détesté, tu veux nous imiter, on a trop d'identité. Ils nous reconnaissent au blind test. J'roule en gros caisson, j'monte le son. J'traîne au TX sans santé flou. J'arrive en moto, tu prends tout sur le flanc gauche. On reculera pas, tu peux nous sortir des noms. Nous, on connaît ni un tel ni un tel. À ce qui paraît qu'ils font trembler la ville. J'dis qu'un gosse avec un AK-47, c'est plus dangereux que le feu, que la pègre en Italie. T'as un peu, j'crois qu'on est d'accord. Tout le projet a du corps. Vu l'espoir que j'y ai mis, vu les jeunes qu'on était. Trouve ça bien qu'on s'en sorte. Fils de pute, tu peux gruger un temps mais pas toujours. Jamais trop tard pour ouvrir un livre. T'as fait ton disque d'or, timpe. Dans 6 mois vaudra le prix du cuivre. Les plus belles timpes dans les plus belles brochons. C'est la crise, j'suis logé, putain, deux pas des champs. On dit qu'on va bien, tout est relatif. J'dis que j'suis quelqu'un de bien, tout est relatif. Tout est relatif. Je dis qu'on va bien, tout est relatif. Je dis que je suis quelqu'un de bien, tout est relatif. Tout est relatif, tout est relatif, tout est relatif. Comprends-moi, j'ai compté les pertes. Je n'aurais pas tant donné. Je sais c'est trop des souvenirs. Tellement loin qu'on oublie, oui. Je n'aurais pas tant donné. On oublie, oui. Oh, comprends-moi, j'ai compté les pertes. Je n'aurais pas tant donné. Je sais c'est trop des souvenirs. Tellement loin qu'on oublie, oui. Je n'aurais pas tant donné. On oublie, oui. Ah. J'ai des RK au fils de pute. On court pour mourir libre. J'battais que leur horloge. Comme si j'allais mourir dans l'heure. J'vais pas leur mentir. J'suis très bien entouré. J'peux posé déjà sous un préau. Je voyais pas ça quand je levais. J'ai grandi, papa m'a pas vu faire. Il est seul, j'y pense, c'est vrai. Pour lui laver un dévident. Je crois qu'elle t'a jamais souri. Il me faudrait des millions rien que pour rattraper le temps gâché. Et qu'on me crame dans le centre-ville. Si un jour je t'ai oublié, je me torture l'esprit. Faut que je les sente la merde. Tant que j'ai la santé. Fils de pute, tant qu'on a des idées. Tant qu'on est en vie. Tant qu'on est en vie. Les pertes, je n'aurais pas tant donné. Je sais c'est trop des souvenirs. Tellement loin qu'on oublie, oui. Je n'aurais pas tant donné. On oublie, oui. Oh, non. Comprends-moi, j'ai compté les pertes. Je n'aurais pas tant donné. Je sais c'est trop des souvenirs. Tellement loin qu'on oublie, oui. Je n'aurais pas tant donné. On oublie, oui. Français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Dans le mer complète, je connais la valeur des sous comme les mecs complets. On est tellement concentré sur le pèse, on se rappelle même plus des meufs qu'on pèse. Kilo de shit dans le Clio 1, j'avais même pas le mi-père. Envoie des sous, raconte-nous pas tes balivernes. Spermatozoïdes sur ton test salivaire. Ta carrière de merde ne passera pas l'hiver. Je vois les petits narguer les keufs sur un compète. C'est la suite de tes bavures policières. Ils essayent de les courser, ils se mangent des tempêtes. Plus personne dans le rétroviseur. Sous le ciel chauffant dans le mercompé. J'ai de quoi faire cavaler tes problèmes. J'garde un œil sur mes affaires tout pète. Vous parlez de la rue, mais la rue vous pète. L'été arrive et l'hiver elle passe crème. J'dois m'enrichir, j'ai pas le temps pour ta gouverne. D'ailleurs m'en veux pas si je te donne pas de nouvelles. Si t'as la bouche, le trou de balle et la chatte ouverte. Sur le siège chauffant dans le mercompé. Toi à trois mètres leur soir et ton le vrai. Quand tu prends des lourdes peines c'est plus de vrai. Ça tombe à tour de bras quand mes à son à court de fraîche. Pendant qu'ils suissent des pizzas ramassent des hippettes. Finance le gamme, on savait causer de la zipette. On a des disques durs et ils veulent tous nous mettre des disquettes. Numéro 1 sur la selle, c'est marré de City Gay. Pas le temps de parler, j'perds pas mon temps pour des petites pipelettes. Tu fais l'Uro, ça devient chaud, t'appelles le 17. Surtout ne crois pas que les lovés salement fait saliver. Tu risques à être passé bien plus qu'un salivaire. Sûrement le seul que tous les anciens validaient. Les pétards se cassèrent le cou quand tous mes frères y arrivèrent. Pour leur allumer leur mère tous les feux sont verts. Mon fils sera plus riche que leur arrière-grand-père. sur le siège chauffant dans le Mercoupé. Siège chauffant dans le Mercoupé. Je veux pas briller, je veux faire du bif à long terme. Et les compter sur le siège chauffant dans le Mercoupé. Planète Rap, 100% rap français. Kenny Arcana dans la nocturne. Qu'est-ce que la vie pour celui qui dit sa foi? Qu'est-ce que la vie pour celui qui dit sa foi? Qu'est-ce que la vie pour celui qui dit sa foi? De quoi es-tu si sûr? La vie, la mort, le dilemme, le souffle, l'esprit de l'homme, sa relation à lui-même. Les forces qui le maintiennent, les forces qui l'animèrent, son rapport à l'animal, aux plantes et aux petits règnes, sa place sur terre, sa difficulté à s'y faire, ses désirs impossibles à satisfaire, cette éternelle quête de bonheur, ce besoin de chercher ailleurs quand la profondeur intérieure reste encore un mystère. De quoi es-tu si sûr? Des limites, des limitations, droit carré bien rangé d'une petite façon, au rythme des vacances, des soldes, des liquidations. Est-ce que la vie active peut au final mener à l'inaction? Je me le demande, j'ai encore plein de questions. Non messieurs, les questions, ça mérite pas d'objection. Qui a le courage de quitter ses schémas de protection et de fouiller derrière ses propres projections? Dis-moi qui. Mais où vas-tu avec tes suffisances? Même l'univers s'expand chaque jour que Dieu fait. Le soleil ne brille pas dans un sens et ne se lève pas quand tu crois se lever. De quoi es-tu si sûr mon ami? De quoi es-tu si sûr mon ami? De quoi es-tu si sûr? Discernes-tu l'inconnu et l'absence, le rêve et la réalité? Si tu fermes tes cinq sens, fais-tu la différence entre attente et patience? Et entre manque d'audace et pas de chance, arrives-tu à percevoir derrière les apparences, à distinguer le chemin entre le malaise et la carence, à écouter l'intuition jusqu'à sentir à l'avance de ne pas faire tienne une vérité qui au fond de toi n'a pas de sens? De quoi es-tu si sûr? De quoi as-tu si peur? Sais-tu te préserver des pressions extérieures? Face aux dogmes et aux passions pleines d'aigreur, même face à la majorité, rester fidèle au son que porte ton cœur. Peux-tu te faire tes idées propres sans jamais t'enfermer dedans et tout en écoutant l'autre? Voir ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise à l'heure où on se demande qui est le plus humain entre l'animal et l'homme. Mais où vas-tu avec tes suffisances? Même l'univers s'expand chaque jour que Dieu fait. Le soleil ne brille pas dans un sens et ne se lève pas quand tu crois se lever. De quoi es-tu si sûr mon ami? De quoi es-tu si sûr mon ami? De quoi es-tu si sûr? À quoi t'identifies-tu? Vois-tu qu'il y a autant de chemins qu'il y a d'individus? Tous les rayons mènent au soleil, hey, les comparer serait trop bête, la lumière est une et indivisible. Pourquoi parler d'unité? Bien difficile, à qui profite que tout le monde se divise depuis 15-10 piges? Les politiques de plus en plus insipides, violents et sans limite, souvent avec médias comme Assis. Quelle liberté quand les choix sont minimes, on en est là, hésiter entre la peste et le choléra. Sachant que les deux jouent des manigances les moins tolérables, c'est pas à la guirlande mais à ses fruits que l'on reconnaît là. Es-tu si sûr? As-tu jeté corps et âme? Sais-tu prendre du recul même avec un cœur au bord des larmes? Discernes-tu la grandeur de l'humble? Passe la tornade, la ville trépasse, mais le brin d'herbe est encore là. Mais où vas-tu avec tes suffisances? Même l'univers s'expand chaque jour que Dieu fait. Le soleil ne brille pas dans un sens et ne se lève pas quand tu crois se lever. De quoi es-tu si sûr mon ami? Tu sais sur mon ami. Le 20h ou connaître l'histoire en ayant lu que l'angle des vainqueurs. 100% rap français, Planète Rap. La nocturne. Des découvertes morceaux en exclu cet après-midi avec Emric. Le nouveau son de PNL dans la nocturne, 100% rap français. Alonso, ça arrive aussi juste après. MZ, le nouveau son aussi. Bref, plein de nouveautés, c'est la nocturne. Je sens l'odeur de mon âme qui brûle. Y'a rien à faire, c'est comme ça. j'suis dans la vallée du rune. Pierre sale, j'construis la casa. Pardon la vie. J'saurais jamais qui j'voulais être. Pardon la vie. Pardon. Tant que j'recompte les billets en mètres. J'fais des signes, je parle QLF. Qui brûle mes souvenirs, j'éclaire le bénéf. Cœur de billet, j'attends qu'on me greffe. Et sur le vendeur, c'est toujours Casper. Y'a assez de couilles pour leur faire la guerre. Pas assez de cœur pour sauver la terre. Ouais, j'mets les couilles, je vends plus. Le rat est jalouse, ma pute. On s'est oublié en bas. En haut, je me rappelle de toi. J'suis la folle dans ma chambre. T'as roule ça que j'm'envole. Ting, ting, ting. Bah ouais, j'fume ma drogue. J'calcule pas mon fun. Faut que j'recompte ma somme. Ting, ting, ting. Troisième œil comme Tenchin 1. J'joue, j'suis vif comme Nakata. J'mets plus linge sale dans le kappa. À fond dans Panam. J'ai la banane, gros pec dans le hammam, toute la tête avec un pet, pet, pet. Un cachet, j'te montre ma tête, tête, tête. QLF sur la plaquette, quête, quête, quête, quête, quête. Grosse de puche ou pas la Rihanna. J'suis un requin, j'suis pas un piranha. Va te rendormir, t'as j'n'ai qu'en pyjama. Ouais, ouais, fuck la zère, zère, zère. Saute, toi t'es vert, vert, vert. M'appartient, hein, tant qu'on les sert bien, hein, montre-moi ça me convient. Chiki, chiki, chiki, chiki, chiki, chiki, chiki, chiki, chiki, chiki, chiki, chiki, chiki, chiki, chiki, chiki, chiki, chiki, chiki, chiki, la nocturne. L'Absolaps dans la nocturne. Ce que je ne fais pas, la vérité blesse. La gentillesse paye pas freul. J'pique mon cerveau à l'amnesse. Me bute à la tease, vodka pineapple. Ici en été ça neige. Ma gaufre c'est une luge. Je me balade à l'œil. Lapso, GTR laps. J'm'arrête au feu. Toutes les salopes me veulent. Oh, ouais, ouais. Vodka pineapple. Des films avec nos vies, dans le game je m'invite. J'ai un ne pas pas mon Glock. Une passe à 10 toutes les heures. Mon frelon, mon frel, j'ai dans mon coffre l'antidote. C'est la plus belle avec moi, la plus salope. Elle jouit même quand je la plaque. J'm'invente pas une vie si j'en ai pas. J'te ferai la guerre si tu payes pas. Priorité au trafic, j'ai besoin de quelque chose. Je me le paye en chocard.

petite est maligne, elle va te dépouiller, ça y est, elle est là. C'est forme animale, te donne la dalle. Toi comme un chasseur, tu voudrais la battre. Ma, ma, elle va te dépouiller, ça y est, elle est là. Sosa dans la nocturne. Son cul tu l'adules, son cœur il n'est pas bon. Polito juste après. Le 9-4. Dédicace à gros yeux. Elle aime l'amour violent dans le regard d'un narcos. Lui veut des tas de bédons, quitter le ghetto. Quitte à faire couler le sang, dégainer les métaux. Il est prêt à tout pour sa part du gâteau. Fera jouer ses atouts, te mettra sur la touche. Dans sa vie c'est la merde, il a tout donné. Celle qui prie c'est sa mère, il a tout donné. Son père a fait la guerre, il a tout donné. Pour nourrir tous ses frères, ils ont tant donné. Dans sa vie c'est la mer, villa au bord de la mer, pour ça lui ferait la guerre, il a trop mangé de paix. Ouais, tous mes gars ont les yeux dans les bleus, tout le monde ne se reposera pas dans les yeux. Fais pas trop l'ancien, fais pas trop le vieux, autour de toi y'aura que des envieux. Ouais, tous mes gars ont les yeux dans les bleus, tout le monde ne se reposera pas dans les yeux. Fais pas trop l'ancien, fais pas trop le vieux, autour de toi y'aura que des envieux. Je veux un nouveau perso, rouler en A2. Lui a compris la teustrie, veut lui faire ses adieux. Il devient fou devant son gustry, elle, elle s'en gave. Il a besoin de chance et d'un bon bave. Appelle-moi Valé, Valé, j'ai tous les avalés. Valé, la stupe sur ton palier. Calé, je vois ça depuis grand galé. Mané, je l'ai calé. Valé, Valé, j'ai tous les rafalés. Valé, la stupe sur ton palier. Calé, je vois ça depuis grand galé. Mané, je l'ai calé. Fini la douce France, pour laisser la souffrance. Les représailles dans le grand B, c'est pas celle-là de la danse. Hagla à outrance, complot manigance. Jusqu'à ce qu'un jour une équipe décide, parce que tout va tous pensent. Ils lui ont envoyé cette fille du genre que tous désirent. Les cubes ont mis les yeux d'un bleu du ciel des îles. Un appartement, une bouteille en millésime. Tout ça rap charmante de princesse des parésies. Fabuleux, ma fortune n'a pas velo. Son cul tu l'adules, son cœur il n'est pas beau. Elle veut un vrai vatos, elle veut voir le matos. Elle aime l'amour violent, dans le regard d'un narcos. Ouais, tous mes gars ont les yeux dans les bleus. Tout le monde ne se reposera pas dans les yeux. Fais pas trop l'ancien, fais pas trop le vieux. Autour de toi y'aura que des envieux. Appelle-moi Valé. Son cul tu l'as du là, son cœur il n'est pas beau. Planète Rap 100% Explicit Lyrics. De concours, mais je dois refaire du roro. Ils veulent la guerre, mais à côté y'a que des peureux. Des amis en tôle, des poursuites en golf, tu crois que je suis heureux? Je rentre dans la salle, j'ai pas un roux, mais le dernier polo. Mais le dernier polo, mais pas de grégousse dans le méli-mélo. Dans le méli-mélo, mais pas de grégousse dans le méli-mélo. Ces rappeurs sont nuls, rats qui partent dans mon dos. Mandat le dé, ça va monter crescendo. on est dans la rue. Raconte-moi pas tes histoires de bendo. Si ça te rajoute toujours de l'amnésia, je marche dans la ville, ouais, je suis au Canaria. Ouais, les gars, vont, c'est comment depuis le 13 juillet. Tu me parles, je te baisse, pas le temps pour stackiner. Ah non, non, non, des clients appellent, on est frais. Médaille égale, médaille égale. Après la mort, on est gang, médaille égale. Façon pour la tôle, on est prêt. Médaille égale. J'paye un faux billet, mais c'est du vrai. Médaille égale. T'es que le gérant, nous fais pas le parrain. Plein à catif, ça sent le carat. Y'a les 22, j'suis sûrement sur un. On veut prendre la ville comme Che Guevara. Des sous faut enfermer pour ça faut des plans. Faut prendre la mairie mais pour ça faut des blancs. Barbé des GP 800 avec les gants. Sort au RM sur la Leia Wallet qui lève TDM. La BE elle est verte comme monsieur CDLM. Putain de plan, dis à la clame qui regarde BFM. Qui regarde BFM. Gotcha m'appelle de Roumanie ta gueule. Daoud vient gérer ta femme. C'est avec l'argent du haram que mon pote fait sur l'aide. La juge va niquer ta mère et ta peine. On est dans la rue, on est dans la rue. J't'avance un verbal vu que tu me fais de la peine. Si ça te rajoute toujours de l'amnésia, j'marche dans la ville, ouais, j'suis au Canaria. Ouais, les gars, vont, c'est comment depuis le 13 juillet. Tu me parles, j'te baisse, pas le temps pour stackiner. Ah non, non, non, des clients appellent, on est frais. Médaille égale, médaille égale. Après la mort, on est gang, médaille égale. Façon pour la tôle, on est prêt. Médaille égale. Paye un faux billet, mais c'est du vrai. Médaille égale. T'es que le gérant, nous fais pas le parrain. Plein à catif, ça sent le carat. Y'a les 22, j'suis sûrement sur un. On veut prendre la ville comme Che Guevara. Pour son rap français, Planète Rap. La Nocturne. Que crasse est dans les bacs depuis aujourd'hui. Je suis de terre comme si j'avais le barreau du matin. Si je crève, c'est mon armée qui prendra mes patins. Enroulez-moi dans un lacet, mais pas dans du satin. Comme si j'avais le barreau du matin. J'suis déterre comme si j'avais le barreau du matin. Si je crève c'est mon armée qui prendra mes patins. Enroulez-moi dans un lacet mais pas dans du satin. J'suis déterre comme si j'avais le barreau du matin. Pépère mais déterre, je sais pas, c'est très clair. Flow vénère, génère des geysers. Le dessert, je le laisse frère. Pour voir qui craque, qui reste fier. Pour voir qui cave, qui reste ferme. On est trop bizarre frérot, tu ferais mieux de nous laisser tranquille. Je voudrais un feat, un refrain, on voudrait que tu poses qu'est-ce t'en dis. Non, non. J'en dis que je suis sur les grosses sommes frérot, donc je vous laisse les centimes. Ouais. J'en dis que je suis au top et que vous voulez que j'en pille. Plus le temps de se mettre en homme, faut violent essayer un pli. Burberry pour ressemble la fanbase, ne fixe remplir. Faut de la fraîcheur pour tous mes fraîcheurs. Que j'arrête des bédaves, que je me mette au sport. Tu connais le reste, yeah. J'suis dans le charbon, le guépier. J'suis de terre comme si j'avais le barreau du matin. Si je crève, c'est mon armée qui prendra mes patins. Enroulez-moi dans un lacet, mais pas dans du satin. J'suis de terre comme si j'avais le barreau du matin. J'suis de terre comme si j'avais le barreau du matin. Si je crève, c'est mon armée qui prendra mes patins. Enroulez-moi dans un lacet mais pas dans du satin. J'suis déter comme si j'avais le barreau du matin. Faut pas que je me fasse trop télé. Entourage véritable sous scellé. Fait du vécu bizarre près du CV. Le miel se fait plus rare dans le guépier. Designer les pieds d'art sont sur mes pieds. Et les stars sont chez 40 sous l'évier. Si je fais un live dans leur radio de merde, j'ai peur que ça devienne un jour férié. Et ils croient que ça suffit de me sucer chaque année billac. C'est mon son qui les fait briller. C'est mon son qui les fait briller. J'suis là posé devant la télé. Tête de rappeur pendu au cellier. Généralement tendu pour le player. J'en oublie même de dormir la tête dans la gratte. Comme les artistes, les euros maintiennent éveillés. Essayez de nous la faire. Et vous verrez ce qu'on va faire. Milliers de concurrents à terre. Faites qu'en consumant les fausses manières. Essayez de nous la faire. Et vous verrez ce qu'on va faire. milliers de concurrents à terre. Faites qu'en consumant la terre. J'suis de terre comme si j'avais le barreau du matin. Si je crève, c'est mon armée qui prendra mes patins. Enroulez-moi dans un linceul, mais pas dans du satin. J'suis de terre comme si j'avais le barreau du matin. J'suis de terre comme si j'avais le barreau du matin. Si je crève, c'est mon armée qui prendra mes patins. Enroulez-moi dans un linceul, mais pas dans du satin. J'suis de terre comme si j'avais le barreau du matin. La planète rap sur Skyrock. Nocturne. Je suis la conséquence de l'empire colonial. Une victime des vols légales. Ils ont tué l'Afrique, coupé ses vivres. Et tu te demandes qu'est-ce que je fous là. On m'a dit que les colons n'avaient pas prédit ça. Qu'ils seraient les premiers partisans du métissage. Je suis méprisé par les médias. Oublié d'éducation nationale. J'ai pas la gueule de l'emploi, j'incarne la délinquance. 14 ans d'esclavage, dites-moi qu'incarne la France. Et ils osent m'ôter ma présomption d'innocence. Dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Je ne serai jamais lors des cours de service. Je me laisserai pas mourir au début du film. J'aime bien la France, mais je baisse sa politique. Aux Antilles, la traite négrière n'est pas finie. Pour mes qu'un fric qui navigue vers l'Europe pour plus belle soit leur vie. Mais qui sont Château Rouge jusqu'à Place d'Italie. Montre-leur qui sont les vrais négros à Paris. Bitch chez nous et non pas Kenny West et Jay-Z. C'est dur mon négro, mais on bosse mon négro. Soit t'en fais deux fois plus, soit t'as rien mon négro. Mais force mon négro et t'inquiète mon négro. Je ne suis pas communautaire, mais je t'aime mon négro. Les enfants viennent faire du noir. Cette peur sans plus vrai avec l'âge. Vois-tu de quoi je te parle? As-tu capté le message? Tu as eu ce dont tu as peur. Toi tu as peur de moi. Je suis noir comme ma maman noire. Comme mon papa noir. Comme mes frères noirs. Comme mes frères que la race humaine me respecte. C'est dur pour un noir en France. Mon noir il faut le vivre. Fuck les politiques, les médias nous méprisent. La coupe, je suis le suspect quand le coup part, elle est sapée, on plaque, donc j'ai la tête du coupable. Plaque comme le métis qui sort de ta chatte. Je bosse trois fois plus pour ton cul à coup de carte blanche. Plaque qui débarque dans le bloc, le gun est gris, papa, pas la vie d'un pied. Plaque comme Amadou et Fatou, mat sur la carte d'identité, la belle tâche. Et comme tout y est monté, la pente brisée, mes chaînes, gros, je suis ready to die. Nique le cucus, le Obama président. Même leur grand-mère, elle n'a pas prédit le bail. Plaque comme Andy, John ou Sio, marge. Je me sers de mon talent pour faire des maths. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Ta fille aussi, elle met la banane. Les enfants viennent faire du noir. Cette peur sans plus rien avec l'âge. Vois-tu de quoi je te parle? As-tu capté le message? Tu es ce dont tu as peur. Toi tu as peur de moi. Je suis noir comme ma maman noire. Comme mon papa noir. Comme mes frères noirs. Comme mes frères que la race humaine me respecte. C'est dur pour un noir en France. Pour me croire, il faut le vivre. Fuck les politiques, les médias nous méprisent. Ils disent que je me vis. Lâche ton sac quand je rentre dans le wagon. Monte les vitres quand je suis proche de ta vago. Ils nous disent pas tout en cours d'histoire. Professeur de merde, rago sur rago. Pourquoi ma soeur fera carrière dans le ménage? Ces petites filles à papa dans un bureau. Pas de taf pour lui, or qu'il a tous les diplômes. Désespéré, mon frère finira 6 gros. Il faut que ça change, j'attends. Les bleus sont nuls depuis le quota. Toujours le même slogan que j'entends. Rentre chez toi si t'es pas content. Et oui, je te le dis, je suis pas content. Donc je ne rentrerai pas chez moi. Si tu veux que je rentre, rends-moi tout ce que tu m'as pris chez moi. Les enfants viennent faire du noir. Cette peur sans plus rien avec l'âge. Vois-tu de quoi je te parle? As-tu capté le message? Tu as eu ce dont tu as peur. Toi tu as peur de moi. Je suis noir comme ma maman noire. Comme mon papa noir. Comme mes frères noirs. Comme mes frères que la race humaine me respecte. Pour me croire, pour le vivre. Fuck les politiques, les médias nous méprisent. Ils disent que je me victimise. Planète. n'importe quelle porte peut t'enfermer. Du port de Marseille à Montfermeil, je me bats tellement contre mes démons que la nuit je dors à point fermé. On fait de belles rencontres, évidemment j'ai gardé l'espoir qu'on peut faire mieux. Mais la vie c'est pas un film, tu t'es fait niquer par cette vie. Pourtant t'as tout donné pour être bête, t'as pas de quoi t'étonner. Qui dit t'embête te dit tonnerre, et toi ta tête est bétonnée. Mais tout en bas de ta tourelle t'entendra des tourterelles. Tout en bas de ta tourelle t'entendra des tourterelles. Rien n'a pété d'être honnête et d'être ton détonné. Ton être et ton corps détouré de craie quand ils t'ont retrouvé tout raide. Tout en bas de ta tourelle t'entendais des tourterelles. Tout en bas de ta tourelle t'entendais des tourterelles. Devant la bosse sur le manteau qui planque le pull, qui planque la crosse. Qu'est-ce que tu crois? J'ai couru en crise comme à l'époque du cross, priant le Christ que mes péchés m'écrasent. Pas malgré mes crasses, quand on devait du fric qui pouvait protéger mes gars. Les pneus qui crissent en bas de chez moi, la couleur grise du bâtiment. Je vais bâtir manger, j'étais en panique quand je complotais chez mes crash. Je fais pas le voyou, je serais pas crédible. Plan séquence dans ma rétine, te raconter mon film. Voilà le triste but de Céline. Conséquence, soit tu critiques, mais la mort fait pas crédit. À mes potes talentueux comme ce fils de pute de Céline. Ils hurlent comme des toutous, une fois dans la hurle son toutou. Je sais que ça urge, mais tout tourne. Si t'empruntes la pure, c'est tout tout. On parle en connaissance de cause, en cause de connaissance. Dis-leur frère. Tu peux prononcer mon nom, sauf si t'es devant un bleu. Ils ont fait passer mon nom, comme la fumée dans le bleu. J'ai dû prendre de l'ampleur quand j'ai vu que dans ses yeux il pleuvait. Efficace dans le biz, donc j'ai une emprise sur le bleu. On doit s'entendre sur les termes, mais sinon gringo ça peut le faire. Un peu du bif jusqu'au plafond, notre musique c'est de la peur. La cam part en fumée, dans nos capous, dans celle des stups. Ce qui nous arrive c'est le destin, on laisse les salles en feu, ouais. Certains vivent dans le passé, d'autres veulent vivre dans le futur. On vit l'instant présent tous au zénith pour le futur. Ma vie je la chante et le peuple la vit comme il entend. Si t'attends ta chance c'est sûrement que la peur sommeille en toi. Pourquoi mon cœur a-t-il son prêt? Quand je leur pose la question c'est juste pour savoir s'ils sont frais. Hey, même si on avait du racket, je ne viens pas jouer les durs à cuire. Beaucoup ont du racket, je suis dans les histoires du racket. Ils hurlent comme des toutous, une fois dans la hurle son toutou. Je sais que ça urge mais tout tourne, si t'empruntes la pure c'est tout. On pense à ceux qui sont partis. Ils sont fermés. C'est pas un film, bro. Ouais. Ce truc est réel. Le escroc dans la nocturne sans accent rap français. À tous nos morts. Ouais. À tous nos enfermés. Hey. À venir le son de Kéfir qui vient souvent rapper dans Planète Rap. Son morceau s'appelle Topi. Hey. On mettra du SCH aussi pour finir tout à l'heure. Planète Rap, 100% rap français. Dans mes récits, un poil dépressif, il suffit d'un cil pour que je te rentre dedans. Je n'ai pas la maîtrise de mon caractère, je finirai seul. Très triste et grave à terre, la traîtrise mais grave amère. L'humour pour bouclier, sache que je me réfugie. La nuit le spin, je régurgite, mais j'ai le jour pour l'oublier. J'attends le marchand de sable, son sac est rempli de regrets. Ses grammes sont pas vendables et j'ai peur de ce qu'il procrée. J'ai pas la science infuse, donc excuse-moi si je me trompe. Les bras m'en tombent et je tremble quand la confiance use. J'affronte mes peines en me disant que demain tout ira. Seul l'avenir nous le dira, mais today je suis qu'un fou qui rappe. Comme Dimitri, on est incompris d'ambition. Les petits candidats dandinés se plaignent de leur vie trop lente. C'est vrai que j'ai grandi tandis que d'autres sont devenus adultes. Je suis qu'un abruti qui reste en vie, help me sinon chute. On s'époumonne à tourner autour d'une toupie. On est laissé pour mort dans les tourments que le monde oublie. Pourquoi on court, la vie est courte comme le mois de février. Assumons nos bourses, ce monde est fou et nous fait briller. On s'époumonne à tourner autour d'une toupie. On est laissé pour mort dans les tourments que le monde oublie. Pourquoi on court, la vie est courte comme le mois de février. Assumons nos bourses, ce monde est fou et nous fait briller. Je suis dans un tourbillon. Tourbillon. Je suis dans un tourbillon animé par la colère. Je peux faire voler des molaires, trop de nerfs dans ce trublion. Et tous les fous diront que je suis un peu borderline. J'aurais dû mordre la life au lieu des roubillons. Je Je suis un mauvais élève qui ose s'énerver face au prof qui part au taf avec des insultes pour le boss trop près des lèvres. Laisse tomber, tu peux me juger, je dirais pas que t'as tort. Face à la vie et mes échecs, je suis loin d'être un gladiateur. Nos carapaces parfois vernis par la fierté. Si la rage l'a pas emporté, ça veut dire que nos cœurs ramassent. Le temps tourne et on se demande où on est tombé. On s'est trompé, on veut changer, mais on n'a pas le tambour. On est dans le tambour de la machine. Ce qui nous entoure te fascine. Mais le rap est un art vaudou, scrute les vautours, ils te font signe. Même la réussite est spéculative. Et tu vas apprendre qu'ici, ton moindre petit bécule attire. Tire. Tire. On s'époumonne à tourner autour d'une toupie. On est laissé pour mort dans les tourments, tout le monde oublie. Pourquoi on court, la vie est courte comme le mois de février. Assumons nos bourses, mon défou et nous fait briller. On s'époumonne à tourner autour d'une toupie. On est laissé pour mort dans les tourments, tout le monde oublie. Pourquoi on court, la vie est courte comme le mois de février. Assumons nos bourses, mon défou et nous fait briller. La vie ne fait pas de cadeau. Parce qu'on est triste et qu'on crève en silence derrière nos carapaces. Ça, ça reste grave. La vie ne fait pas de cadeau. Je suis dans un tourbillon. Tourbillon. 100% rap français. Planète Rap. La Nocturne. Aïe, aïe, enfin. FK dans la Nocturne 100% rap français. Aïe aïe enfin. Je suis sur Joko, je défouraille. Le game est défectueux donc je pense que mon défaite laisse de trois feuilles et puis en mode. Je prends le temps à parler comme fait, j'ai pouillé avec le reste du bétail. La concu c'est juste un détail. Je suis là sans y être. Je pue la taupe par chaque centimètre de mon corps. Je te vois pas arrêter de gonfler la tête. Mes types eux sont tes mentors. Je suis dans la verdure comme Popeye. Ouais ça me renvoie. Puis je finis cette taille. Et ma raison se rendort. Je marche à des picots, j'ai la nuit qui m'harcèle. Je vois que ça les a rendus fous, y'en a qui parlent seul. Y'a rien à part ça, on veut la paix du Barça. La chance, elle connaît que non, j'ai déposé quelque part, c'est même pas moi. De paradis, le jour où t'auras fini de construire la passerelle. J't'attends là, j't'attends là. Je bouge pas, je vois que le Népalais passe crème, ouais, je m'en noie. Y'a trop de mots pour que les petits m'écoutent. Pas assez de yo-yo piste pour que les puristes me comprennent. Je rentre en cabine, je décerne. Minuit à l'aurore, la nuit d'or et Moussa me donne le conseil. J'ai pas si le crime paye, mais ça paye le dompé. Gomi, on crache dans son dieu. Toi t'es juste crasseux, je crois que tu t'es trompé. Ça s'arrêtera avant d'être prompteux. Je roule les soucis, les tracas de ma mère, les fiches de paye, ils arrivent pas, tu sais. Je suis un bon loser, bah ouais, on t'arrive pas à la règle. S'il y en a bien une qu'on suit, c'est celle-ci. J'ai noyé mon verre dans des Celsius. Mon nom lui évoque que des gâteries. Ça a du charme de se bailler en cette seule. Aïe, aïe, wow, aïe, aïe, enfin. Je suis dans ma daïté. Aïe, wow, aïe, aïe, enfin. Je suis dans ma daïté. Je vois les toits de ma cité. Depuis mon parking. Je passe tombe du mauvais côté, comme la tartine. Merde. Son car me taquine, elle m'en bien le sait, je sais qu'elle fait mine. Elle veut me faire croire qu'une Marie couche-toi là a eu moins d'aventure que Martine. J'ai un CV sanguin, laisseront des tangs à tremper. Jusqu'à ce qu'un de ses soi-disant frères veuille s'embrocher avec toutes sortes de métaux crantés. Puis on fera les nostalgiques, hein, comme si on était trentenaires. Sur parking d'un McDo, les oiseaux chantent, on finit de prendre l'air. J'côtoie you vois pas rien, you vois pas rien. Toutes sortes d'indicats, toutes sortes d'indicats. Entre mauvaises herbes, on fait ce qui se doit. Te penche pas, on défonce ce qui se doit. Dans ma daïté, je vais garder. Zincolage gratté. Texte, tu grattes une gorgée. Le temps c'est des billets, j'reste perplexe, dois braquer l'horloger. J'ai deux, trois frères qui m'ont dit, creuse leur trou et fais ton nom. Charcute, et le game fait lui cracher son chardonnay. Continue de charbonner, c'est plus dur de briller à l'ombre. Donc j'crois après tellement de fois qu'ils en oublient au nom. On reste couillus, pas couillons. C'est pas tes lumières qui éclairent nos têtes sombres. Aïe, ouais, ouais, aïe. Aïe, enfin, j'suis dans ma daïté. Ailleurs, enfin, je suis dans ma daïté. Ailleurs, veux que je défouraille. Le game est défectueux donc je pense que mon défaite laisse de trois feuilles et puis en bol. Je prends le temps par les campagnes, j'ai pouillé pas avec le reste du bétail. La concu c'est juste un détail. Planète Rap 100% Explicit Lyrics. Niska qui débarque la semaine prochaine dans la nocturne. Et l'album aussi, la semaine prochaine, Zifukuro. DJ Pelec joue le piano. Charlie Delta Commando. DJ Pelec joue le piano. Violent comme à l'ancienne. Risque d'en purger une peine. Tous les négros dans la haine. A toujours vouloir qu'on les craigne. Oh, je t'en prie, mon Dieu. Pardonnez-les si me jugent. Ces jeunes hommes sont pas comme nous. Ils n'ont pas connu le luxe. Pourquoi vendre des loges? Pour même pas faire 2000 euros. Sarma, t'es pas un thé. Bah bravo, monsieur l'hétéro. Oh, madame la prof. Un jacuzzi en enfer. Dico, on va te faire. Des vrais gougous à nos matières. À qui ils vont prendre des armes? Si nous arrêtons de faire la guerre. Négro trop deep, négro trop con, négro trop fier. Bang bang, à bout la caisse. Je t'agresse par mon queue de graisse. Oh, je dois m'encaisser. Dorénavant, je dois encaisser. Si tu corromps. Ou escroc comme un mécano. Ils vont sucer mon sang, ils vont sucer mon sang. Je vais finir Drépano. Oh, monsieur l'agent, mais pourquoi nous brutaliser? De garde à vue, on est fidélisé. Combien de ces vendus ont voulu qu'on les rachète? Avant le Zitazé, qu'on marchait avec des traits. Oh, ta soeur la pute, viens pas nous casser les couilles. Et t'en vois où je laissais des punchlines dans ma foule. Moi, je dois pardonner tous ces petits envieux. Toi si tu m'en veux. Le rap accidenté. Depuis que j'ai cartonné. C'est que représenté. C'est vrai, on pas donné. C'est du coron. Du village l'a évangélisé. Mon arrière-grand-mère s'est fait tourner à travers mon teint. T'aperçois que je suis colonisé. Terrorisé, je vais les terroriser. Sans faire de choix, je vais pas favoriser. Tu vois ce jour, faudra le mémoriser. Je vais vous donner une leçon qu'il faudra réviser. Je te laisse par terre. Ojik couche dans la bouche. Je viens du hood. Négro, d'un flag, j'en ai 12. J'ai le blues. Prends rendez-vous chez l'ostéopathe. Je vais reprendre ce que me doit César. Après minuit à l'hôtel, je me fais Cléopâtre. C'est du coron. La deux sous contrôle ma gueule. La deux sous contrôle ma gueule. Comme jamais. Ha. Papa est de retour les gamins. C'est Fukuro. Charlie Delta Commando. Charlie Delta Commando. Charlie Delta Commando. Rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. La vendetta. Girochrome et Doomams. Y'a rien à gratter par ici, mais c'est dans son conseil de circuler. Soit j'y laisse les chicots, soit j'y laisse les ronds, 200 maculés. 200 maculés. 200 maculés. 2.0 c'est la guerre, j'écris mes textes avec du verre pilé. Que du verre pilé. Que du verre pilé. Soit j'y laisse des chicots, soit j'y laisse des rocos. 200 maculés. 200 maculés. 200 maculés. Y'a rien à gratter par ici, mais je donne du conseil de circuler. Si tu n'es pas sur la liste, remets ta veste. Arrache ta gueule, toi et tes potes. Gros cylindre et cylindre 2, métallisé. Billets de sang dans la pocket. Soir ce soir, y'a de la cesse et des criquets. Tous équipés, y'a de la conseil des briquets. T'es sur tous les clichés, même quand tu vas pisser. Dis-les, même pour finir au piquet. Nouvelle année, ça sent le bif et les crochets. Je toi des braqueurs, des grossistes et des faussaires. Des grossistes et des faussaires. Des négros confusés d'un saut sur la croix. cerveau ravagé ou l'intelligence ne sait plus où se ranger. Que des résidus de shit sur l'opinel. Quand t'es cramé comme un grand mal à tirer. À 200 km heure dans les tunnels. Ça sent l'alcool, t'es hier pas la vitesse. Pas de choc à choc à pique pour le petit déj. Un bon joint, carroi, quelques business. Ça fait les musulmans si tu pendant un mois. J'suis dans le même cas donc je ne juge pas. Régime à la Pol Pot, c'est le pont, je suis précis comme un falcon, c'est le point. Flo qui fait de la polka, grosse flamme pour les rumeurs que tu colportes, mets le feu. Sortez les femmes et les enfants, certifié violent et tentant. La faux copère, sens-tu la sentence, t'es gros, j'annonce que la bombe ça s'engorge. Choisis ton camp, poser Yoko sur la bleuta, c'est tout Enyama qui nous retarde. Pour moins que ça, s'arrête-y comme à la Ciota, ça fait des années que ça fait tard. J'avale la prod comme un tricératops, écarte tes buts et le tri sera top. Je veux même pas savoir à qui c'est la faute, c'est que pour m'arrêter faudra viser la gorge. Gorge, blonde, sur la carotide, blonde. Blog, parce que l'on acquitte pas flop. Tu connais l'équipe, on fuck. On ne fait que ramper. D'après les ondis, les non-dits, paraît que les bandits nous ont dépouillés et nous ont mis des lombites. Les condits d'un condé qui ne peut que compter sur un fils de pute pour pouvoir te remonter. Des pipes, je te mènerai en vacances. Laisse la foule en état de transe. Chérie, je pense au bif, je la revois quand elle danse. Je l'attends depuis v'là le temps. En fait, j'ai le blues, je me défonce. Je m'enfonce, j'aimerais tes news. Mes phalanges rouges peuvent témoigner de ce manque. Tu parais sincère quand tu mens. Bébé, c'est pas toi, non, c'est un tout. Ça paie pour 10 000, je sers, j'ai des potes autres. Solide. La nuit je vois des amis morts. Des choix qui nous lient trop fort. Je suis tellement proche de vous le soir quand on s'enivre. J'ai tant de peine au fond, je sais que j'y perdrai tout. J'y pense de la veille à l'heure. Dans un livre je t'ai sourire. Et je pense à toi quand le champagne monte. Je vois danser belle. Tes yeux s'ouvrir et se refermer. Qu'est-ce que je serais devenu sans ces putains de revenus? J'ai brûlé le livre, ces écrits m'arrachaient le cœur. J'ai jeté les cendres, décidément. Si j'ai du mal à m'avouer vaincu dès le début, tu es moi. Tu es moi vite. J'ai pas tout réussi. Pas tout raté, pas tout perdu. Le soleil me brûle. J'ai plus volant sur mes lèvres. C'était moi mes rêves, tous mes rêves. On s'en est vu ensemble 10 ans plus tard comme quand on était mort. Sans vice et sans love en fait comme quand on était mort. J'fais des 100 pas et j'y pense de la veille à l'heure. On se croyait invincible quand on était mort. Insouciant par insoucieux de la veille à l'heure. Quand on était mort, dehors de la veille à l'heure. J'y repense. Taille-moi des pipes, je te mènerai en vacances. On rentre, on laisse la foule en état de transe. Chérie, je pense au pif, je la revois quand elle danse. Je t'attends depuis v'là le temps. Je m'enfonce. Je me défonce. Je vais témoigner de ce manque. Tu parais parais sincère quand tu mens. Poto, c'est pas toi, non, c'est un tout. Je prends beaucoup de fric, mais je sais que t'aimerais me voir dans le trou. Et j'en ris, on ne s'est pas fait en un jour. Des fleurs, des glocks sous les joues. T'es loin, t'imagines, est-ce qu'elles dehors sont emprises? Si j'en étais pas là, je crois que je les buterais tous. Et je quitterais ce putain de monde à l'heure. Avant que la lune, les étoiles et le ciel me tombent sur la tête. Et que ma plume s'envole dans les tourbillons de vent. Ouais, je croyais en ton sourire. Mais tuez-moi vite. J'ai pas tout réussi. Pas tout raté, pas tout perdu. Mais le soleil me brûle. J'ai plus venant sur mes lèvres. C'était moi mes rêves, tous mes rêves. On s'en est vu ensemble 10 ans plus tard. Comme quand on était meufs. Sans vie c'est sans love en fait. Comme quand on était meufs. J'fais des sans toi et j'y pense de la veille à l'heure. On se croyait invincible quand on était meufs. Insouciant par insoucieux de la veille à l'heure. Quand on était meufs. Dehors de la veille à l'heure. Taille-moi des pipes, je te mènerai en vacances. On rentre, on laisse la foule en état de transe. Chérie, je pense au pif, je la vois quand elle danse. Je t'attends depuis longtemps. Je m'enfonce, je me défonce. Je vais témoigner de ce manque. Sur son DCH à l'instant, extrait de l'album Anarchie quand on était môme. Excellent album DCH, c'est dans les bacs. Allez faire un tour aussi sur le projet de Niro qu'il a sorti comme ça aujourd'hui. Le projet de Kenny Arcana, il y a eu plein de choses aussi sorties aujourd'hui. Il y a eu Kyokra. Et la semaine prochaine, Niska qui débarquera aussi dans la nocturne. On fêtera la sortie de Zifukoro dès vendredi prochain dans la nocturne. Dès lundi et tous les soirs de la semaine, c'est Jaja et Dinas qui débarquent dans Planète Rap entre 20h et 21h. Passez un bon week-end. Fabuleux au contrôle. On est reparti rap à R&B en non-stop. Ciao! Skyrock Radio Station. Rap and R&B non-stop. Skyrock. Skyrock. Rap et R&B non-stop.